à Lille et à Lyon, 19 à Paris, 20 à Troyes, 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 19 du côté du Havre, 21 à Caen, 22 à Rouen, 23 à Lille, 24 à Paris, 25 à Périgueux, 27 à Agen, 28 à Marseille, 30 à Montpellier, 32 à Chambéry, 33 à Lyon et 35 du côté d'Avignon. La pollution, c'est mauvais. Les indices sont compris entre 4 et 6, 6 à Lyon, Montpellier, Toulon, Nîmes, Marseille, Nancy et Angers. Et c'est oui, oui, au Brexit. Au Royaume-Uni, le dépouillement est toujours en cours après le vote d'hier, mais tout semble plié selon la BBC. Le pour l'emporterait à 52%, même si on attend encore les résultats officiels. Ce serait très compliqué de revenir, que le contre puisse revenir à l'heure où l'on parle. C'est donc historique. Le Royaume-Uni va bel et bien quitter l'Europe. Les pro-Brexit se sont mobilisés en masse, principalement dans les régions les plus populaires. Une plainte déposée par la CFDT dans les prochaines heures. Le siège du syndicat a été vandalisé et plus particulièrement la façade du bâtiment. Les casseurs ont tagué aux lettres rouges CFDT comme « c'est fini de trahir ». Le syndicat qui se veut réformateur et favorable à la loi travail. La journée de mobilisation hier s'est plutôt bien déroulée. Entre 70 000 et 200 000 personnes se sont donné rendez-vous un peu partout en France. Pas d'incident à déclarer. Prochaine manif prévue mardi. Force ouvrière propose de rouvrir le dialogue avec Manuel Valls. Manuel Valls qui, comme François Hollande, aura les yeux rivés ce soir vers Pôle emploi. Les chiffres du chômage pour mai seront dévoilés à 18 heures. L'exécutif espère bien évidemment une nouvelle baisse. Ce sera peut-être le cas pour le troisième mois consécutif. Les deux boîtes noires de l'avion d'Égyptair envoyé en France, les enregistreurs sont trop abîmés et ce sont donc les experts français qui vont devoir en extraire les informations. L'appareil s'est crashé en mer il y a un mois avec 66 passagers à bord et membres d'équipage. Il devait relier Paris au Caire. Une histoire d'amour à 20 millions d'euros. La confirmation du PSG est toujours attendue, mais c'est désormais quasi certain. Laurent Blanc et le club de la capitale ont rompu le contrat du Sevenol qui courait jusqu'en 2018. Du rugby et un rendez-vous annuel très attendu par les fans. On saura ce soir qui soulèvera le bouclier de Brennus version 2016. Finale du top 14 entre le Racing 92 et Toulon. D'un côté, un club francilien qui a échoué en Coupe d'Europe et qui ne veut pas repartir les mains vides. De l'autre, un grand coach, Bernard Laporte, qui veut rafler le titre avant de quitter le RCT. Match à suivre dans l'antre du Barça au Camp Nou à 20h45. Et quel suspense! Merci Rémi pour les infos. Yeah. T'en trouves tout à l'heure à 6h30 pour la suite des résultats de l'Angleterre. Donc les Anglais nous quittent. Normalement ils nous quittent, ouais, ça y est. Écoute. Ils partent. Ah, bye bye, comme on dit. Bye bye. Have a good day. See you soon. See you soon. C'est bien ça. Later. See you soon. Et à tout à l'heure, Rémi. À tout à l'heure. 6h30, les 6h pile sur Skyrock. Bonjour. Aujourd'hui, c'est enfin vendredi. Enfin vendredi. Et c'est le morning de Difool. The morning show. En direct sur Skyrock. Et oui, on est en direct sur Skyrock. Dernière de la saison en ce vendredi 24 juin. Profitez-en jusqu'au bout si vous pouvez. En tout cas, profitez-en autant que vous pouvez. Nous aussi, on va en profiter avec vous. Bonjour à tous. Salut Romano, c'est fait. Bonjour. C'est fait, tu es prêt pour la dernière de cette saison avec des places de foot, la finale à gagner. Eh bien, j'espère que j'arriverai jusqu'au bout. Oui, moi aussi. Et une équipe exceptionnelle qui est avec nous ce matin. Ouais. Regardez-moi ça. Bonjour tout le monde, bonjour. C'est magnifique. À dégoûter de te lever. C'est trop tard. Bonjour Cédric. Ouais, bonjour Karim. Salut à tous. Ouais, et ça va. Salut Cariole. Bonjour. Cariole qui se balade avec son drapeau français. Mais tu as bien raison, Cariole, car c'est ce matin le jour où on vous offre la finale, bien sûr. Mais aussi le jour où on va faire les pronostics, puisque le match c'est dimanche. Eh ouais. Et d'ici dimanche, il n'y a plus de morning. Donc demain, le replay du morning à 6h. Mais aujourd'hui, on va faire sortir nos cages, notre terrain de foot. Ouais. Et l'animal qui viendra pronostiquer, j'espère qu'il va pas se tromper comme les cafards la dernière fois, hein. Ouais. C'est la chatte de la Marie. Ouais. Et oui, elle va venir nous voir si elle se réveille, parce qu'avec Marie, on sait jamais, hein. Mais logiquement, avant 9h, Marie vient nous voir, nous amène sa chatte, et il paraît que sa chatte est une grande pronostiqueuse. Ah. Si vous voulez gagner de l'argent, Unibet, tenez-vous bien. Winamax, même chose, Betclic, pareil. Voici les pronostics de la chatte de la Marie. Ce sera avant 9h tout à l'heure. Et puis sinon, pour vous, les places pour Rihanna aussi dans les grands stades en France. C'est aussi à gagner sur Skyrock ce matin. Vous pourrez nous laisser vos pronostics pour les Bleus dimanche, hein. On joue contre l'Irlande. Gros match à suivre, ce sera dimanche après-midi. Et donc les résultats du match, ce sera. Et on n'a pas le choix que de gagner, sinon c'est fini. Ah ouais. Les résultats, vous les connaisserez avant tout le monde. Et c'est vrai que c'est à élimination directe. Donc là, il faut gagner maintenant, hein. Ah, c'est impératif, ouais. Sinon, comme l'Angleterre, on sort. sortira. Oui, sinon, vite, nous aussi, on s'en va et c'est la catastrophe. Et voilà, fini. Bon, à 6h03, donc on se prépare pour du foot. D'ailleurs, réveil de star avec des footeuses ce matin. Pour fêter tout ça, on va retrouver dans un instant le réveil de star que vous retrouvez tous les matins aux alentours de 6h10. On se prépare. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer également. DJ Roro, avant de partir aux vacances, viens nous rendre visite ce matin et je crois même que ce sera avant 6h30. Tu es là, DJ Roro? Voilà. Non, pas encore. Ah, il est en train de se connecter. Il fait des tests. Yeah. Ah, je crois qu'on est en train de le réveiller. DJ Roro, t'as pas oublié le rendez-vous? Les gars, excusez-moi, j'étais en train de mixer un visa là. Ouais, c'est ça, ouais. Je voulais que vous me preniez un peu de cours. Excusez-moi, je suis dans ma cabine. Je prends un petit jet privé, j'arrive. Ok, bon, bah, dans un instant, donc sur Skyrock à gagner. Prépare-moi du café. Votre télé Samsung, beaucoup de café et tout le reste, hein, bien sûr, pour DJ Roro. 6h20, on va jouer pour la télé Samsung à choper. N'oubliez pas vos 1 500 € à choper tout à l'heure. Et bien sûr, vous tous, vous tout en direct dans l'émission à n'importe quel moment. On vous salue d'ailleurs si vous réveillez avec nous. Non, il y aura une émission quand même dès lundi. Hein. Ah bah oui, il y aura pas un blanc. Oui, oui, vous retrouverez le morning best d'ailleurs, les meilleurs moments du morning avec Vincent dès lundi matin. Ça, c'est à pas louper aussi. Vous pouvez même d'ailleurs choisir les meilleurs moments du morning avec lui. Bon, allez, on salue ceux qui se réveillent. Bonjour le Riffin, bonjour Blue, les messages au 41759 sur l'appli Skyrock. Vous faites péter tout ça et dans un instant, il arrive, il sera là. On va parler de quelqu'un qui est dans l'univers du football. Tenez-vous prêts, les 6h04. C'est le morning de Difool. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Le réveil de star juste après Florida. Florida in my house. Open up the champagne. Pop. It's my house. Come on. Turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby. Cheers to this. Sometimes you gotta stay in. And you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in. And you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Duck off the crib, despite the pad. But my house is your house if you throwing it back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. Hit the brakes, we don't have out. To go out. Cheers to this. Welcome to my house. It's my house sur Skyrock. On écoutait Florida pour se réveiller ce matin à 7h, à 6h07. Et oui, attention. Dernier morning de la saison ce matin. Une grosse matinée avec DJ Roro dès 6h20. C'est pour vous dire comme ça va péter ce matin. Attention. Hein. Ouais, bon, il faut qu'on arrive à le réveiller là parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas super auditeur ce matin. On travaille beaucoup ces temps-ci. Ah, bah là, ça n'arrête pas là. Ça n'arrête pas, c'est la folie. Hein. La folie. Hein. Attention, l'euro, la folie aussi avec tout à l'heure les pronostics de la chatte de la Marie. Est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous jouez pour gagner de l'argent? Cariole, toi qui es joueuse, parce que Cariole, tout ce qui est jeu d'argent. Elle a tous les vices. Vous savez qu'elle joue en cachette derrière le dos. Claude Romano, parfois elle achète des trucs, elle me fait, tu lui dis pas. Bah ouais, c'est vrai, je joue. Non, mais je m'en fous, c'est des trucs à gratter. Ouais. Si c'est avec ton argent à toi, Cariole, ça passe. Bon, en même temps, je fais ce que je veux avec mon argent. C'est vrai. Hein, c'est vrai, même si tout le monde n'est pas d'accord. T'as qu'à me gratter les robignoles à tous les coups, on gagne. Oh non, mais c'est vrai, ça. Ah, une bonne expression de Bourgogne, celle-ci, on aime bien ça. Gratte-moi les robignoles à tous les coups, on gagne. Bah, robignoles, j'étais soft, tu vois, j'avais pas à dire, gratte-moi mes couilles. Oh là là. Tout à l'heure, les pronostics de la chatte à Marie. Oui. Oui, elle vient avec sa grosse chatte qui s'appelle Kawa. Oh. Elle sera là avant 9h du matin. On espère si elle se réveille. Vous, vous êtes en tout cas déjà réveillé. Vous tombez bien parce qu'on va parler football ce matin. Qu'est-ce que vous pensez du match de dimanche? Tiens, on fait des petits pronostics rapides avant de faire les vrais pronostics tout à l'heure avant 9h. Les pronostics pour le match de dimanche. Je pense qu'on va gagner, moi, quand même. Oula! Oh là là là! Attention! Romano a quelque chose à vous dire. Attention! Skyrock est premier sur le front, bien sûr. C'est l'Irlande. Je te rappelle qu'on joue contre l'Irlande, Romano. Ouais, l'Irlande. On avait même découvert l'autre soir dans la radio libre. Eh bien, faut pas sous-estimer nos adversaires. C'est faut pas les prendre de haut parce que des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Les prendre de haut dans Romano, c'est pas possible. Ah ouais. Mais il faut faire attention. Alors, jouer le match à fond. Les pronostics, Romano. Ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Si vous voulez continuer, va falloir. Moi, je dis allez, 2-0. 2-0. Cariole, toi qui paries en grattant ou. Peut-être que tu vas jouer à un ticket ce matin. 3-1. Pour la France. Alors moi, je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va aller aux prolongations. Ça va être un partout. Et on va gagner 3-1 aux prolongations. Très bien. Et Cédric? Moi, je dis 2-1. Voilà, 2-7-1. Non. C'est pas le bon sport, mais c'est bon. Voilà pour les pronostics. J'espère qu'on va gagner à 2-0 la France pour Momo du 13. On va gagner 2-0 aussi pour le Ricain. Bonjour à toi, le Ricain. 1-0 pour la France à la 90e minute. Ah, tu penses que ça va continuer, qu'on va continuer à marquer des buts à la fin là? C'est le message de Jaja. J'ai pas vu la fin de ton pseudo, ça défile, ouais. Ça défile. Moi, je dis que ça serait bien qu'on arrive à marquer avant quand même, que avant la fin à chaque fois. Ça, parce que à faire ça, ah ouais. Non mais puis à faire ça, un jour ou l'autre, on va se faire niquer. Ouais, oui. On va marquer après la fin et ça marchera plus. Ça pue bon. Oui, t'as vu contre les Suisses. Hein. Ouais. 2-1 après prolongation pour Mohamed. Bonjour Mohamed. Capucine nous dit nul 20, nul 2-2 et ah, mais faut nous dire si on gagne aux prolongations ou pas. Il y aura prolongation. Ah ouais, mais il y a pas même y avoir tiré au but. Il y a beaucoup de 2-1, Mohamed aussi. Oui, il y a beaucoup de 2-1. J'ai pris Sou aussi qui a 2-1. J'ai Cynthia qui nous dit 2-1. Souka, c'est ouais. Ah, but de Payet et de Griezmann. On nous dit 2-0. Bon, et on parle football. On fera les pronostics tout à l'heure, pronostics en direct. Et on aura la finale de l'Euro à vous filer. Votre finale de l'Euro est à gagner sur Skyrock. On a encore des places Crédit Agricole. Et avant 9h, on termine fort cette saison dans le morning avec des places à gagner pour aller voir les matchs des Bleus. Et attention, pour couronner le tout, je vous disais ce matin, ça va déchirer. Voici avec nous ce matin Didier Deschamps. Bonjour Didier. Bonjour. Mais sont tes dents, vous l'avez reconnu. J'ai pas de dents. Hein. Oui, ah bah, je savais. Tu sais, on est à la radio, ça ne se voit pas. Il est con, là, votre pote parisien. Bah, toute l'équipe est là, Karim aussi est là. Karim Boubou. Et Karim Boubou, exactement. Oh là, il est là, votre copain. Oui, il y a Cédric. Je suis là, ouais. Il y a Karim Boubou, Cédric Boudin et Cariole. Bonjour, Cariole. Ah, salut. Ah, bah, mets tes dents alors. Allez, le vrai Didier Deschamps, il arrive. Vous me faites chier, j'en ai pas. Il n'y a pas de dents. Il arrive pour. Bien pratique, utilise-moi de brosse à dents. Pour le réveil de star de ce matin à 6h10. Le réveil de star. Une star, un appel. On écoute. Ouais, on va écouter Didier Deschamps, réveiller les Français, mais le vrai Didier Deschamps. Hein. Vas-y Didier. Bon, ouais, Didier. Bonjour. Il est content. Hein. Ça va Didier? Ça va bien. Je suis l'entraîneur. Oui, mais on sait. C'est l'entraîneur des Bleus. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est l'entraîneur des Bleus et on le retrouve tout de suite pour réveiller les Français. Allez, à fond. Et il va réveiller qui donc ce matin? Loïc. Ah ben, il a de la chance, Loïc. Histoire de porter chance à Didier Deschamps. Allez les Bleus. Allez, Didier surtout. À 6h11, réveil de star. Didier Deschamps et Loïc. Bonjour. Oui. Ça va bien. Bah qui est-ce? Je suis l'entraîneur. L'entraîneur? C'est moi qui entraîne les joueurs. Les joueurs de quoi? Je m'attendais pas à ce que la place de sélectionneur soit libre, donc. Oui. L'équipe de France a toujours été au-dessus de tout. Ah ouais, putain, mais t'es Didier Deschamps carrément. Alors. Oui. T'as fumé combien de pétards, toi? 23. Ouais, non, mais il faut, de toute façon. Voilà, je pense que dans la vie, il y a des leaders et il y a des suiveurs. Ouais, et toi, tu fais partie des suiveurs, en fait. C'est les autres qui roulent le joint pour toi. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Bon, sinon, pour en revenir au début. Champion du monde. Tu crois, toi? Champion du monde, ouais. Et donc là, tu fais quoi? Tu joues au baby-foot avec tes petits copains, alors, non? Vous êtes trop curieux. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que la fontaine, c'est top secret. Première question, les trois premières questions, elles sont gentilles. Et puis après la quatrième, on me la pose en blanc, en gris, en jaune, en vert. Bah c'est vrai, bon, enfin, si c'est vraiment Didier Deschamps, super, j'étais content. J'ai jamais refusé un autographe, une photo, les gens, ils me dérangent pas. Gentil, hein. Salut Didier. Et ben, allez, à fond. Vous avez vu comment il était content? À fond, ah, oui, à fond. À fond avec Loïc. Loïc, c'est quand même posé la question. Eh, je sais pas si c'est le vrai Didier Deschamps, mais bien sûr que oui, Loïc. Si, c'est le vrai. Si, et ben oui, vrai. C'était le vrai. Attaque-tique. Eh, vous avez vu, on sait où est passée l'herbe de la pelouse. Oui, 23 juin. Ça m'a fait tomber les dents du haut. Oui, 23 juin d'un coup comme ça. Bam. Allez, Didier Deschamps, allez les bleus. On en reparle tout à l'heure avant la fin de l'émission et à n'importe quel moment du morning. Je vous pose une question et vous gagnez la finale de l'Euro. Si vous voulez y aller, c'est sur Skyrock que ça se passe ce matin. Profitez bien dans un instant après le foot. Du son, on va tester nos connaissances musicales avec le grand, le beau DJ Roro. C'est le morning de Difool. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Et préparez-vous, hein, parce qu'on va parler des sons de l'été avec DJ Roro. Et c'est l'été, il fait bon, il fait chaud, c'est DJ Roro. Ouais, et c'est Major Lazer. Qu'on écoute Major Lazer avec Lilon. Des cartons de l'année, c'était d'ailleurs le titre le plus diffusé sur Skyrock en 2000. On l'avait fait le 1er janvier en 2015. On était en 2015 l'année dernière, parce que moi je suis déjà en 2058, donc j'ai du mal à me mettre sur votre fuseau horaire. Vous êtes en quelle année, vous? 2016. Et ben c'était en 2015. C'est ça, ouais. Major Lazer pour se réveiller ce matin à 6h17. Et une belle journée, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Vos places de l'euro à gagner tout à l'heure, vos 1500 euros à 7h du matin. On vous appellera pour vous demander quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock, c'est dans la poche. Et là, vous n'allez pas pouvoir la mettre dans la poche parce qu'elle est bien grande. C'est la télé Samsung qu'on va vous offrir, la toute dernière télé Samsung. Elle est à gagner pour regarder les matchs de l'euro, évidemment. Et pour vous éclater sur votre télé, une télé de plus à la maison, ça fait pas de mal. En plus, c'est la toute dernière qu'on va vous offrir. 101 cm. Ouais, elle est magnifique, 4K, elle est grande. 4K. Smart TV. C'est la Smart TV, elle est plus intelligente que tous les membres de l'équipe réunie. Ouais, oui. Vous voulez vite c'est Smart dire TV. Le niveau. Et ouais, c'est quand même du haut niveau qu'on vous offre ce matin. Et c'est à gagner avec DJ Roro. Et il y a forcément une télé qui va tomber avant 6h30 tout à l'heure. On va sélectionner un gars et une fille grâce à DJ Roro qui va nous chanter un super morceau, des cartons d'un été, pas forcément cet été, hein. Mémé, il est dans l'actu de cet été. Mémé, oui, je suis là. Bonjour DJ Roro. Wouh, bien sûr, j'arrive d'Ibiza, j'ai mixé toute la nuit. Oh, bah ça, ça ne m'étonne pas. DJ Roro. Premier sur le tempo. Eh oui, premier sur le tempo. Vous savez comment ça se passe, je vous ai expliqué la règle du jeu. Maintenant, DJ Roro, pour la question de sélection, va nous chanter un truc. Comment ça va, comment s'est passée cette saison à Ibiza? Bah ça y est, mais j'ai fini la saison là. Oui, oui, mais c'est direct, ça va commencer la semaine prochaine. Ah, bah, bien sûr, c'est terminé, DJ Roro. Je mixe hors saison, je suis DJ résident à Ibiza hors saison. C'est le spécialiste. Ouais, et puis là, il file à la plagne. Oui, je vais faire la saison d'été dans les montagnes. Eh ben, bah, écoute-toi bien, DJ Roro. On m'annonce grave du monde en haut du Mont Blanc. Oh, mais grave. Wow. Bon, on a passé une belle année avec toi, DJ Roro, et pour la dernière fois de mais cette saison. Mais c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. On te retrouve ce matin, on te retrouvera aussi dans le Morning Best à partir de lundi. Les meilleurs moments et les pires du morning. Et dans les pires, il y a évidemment DJ Roro qui vient nous rendre visite. Applaudissez-moi. Ouais. Ouais. Bon réveil sur Skyrock. Bon, on est bien réveillé maintenant. Applaudissez-moi. C'est bon, c'est bon, ça va? Alors, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Vous êtes prêts, les filles? Vous êtes prêts, les garçons? Ouais. Les filles et les gars, tout le monde est prêt? Attention, je vais chanter, prendre le mic. Oui. Je vais même kicker le mic, je peux vous le dire. Dès que vous reconnaissez le titre du morceau, vous l'envoyez, ou alors l'interprète, on prend ou l'un. Ou l'autre, il faut nous dire que chante DJ Roro. Alerte rouge. Ah oui, alerte rouge pour les oreilles. La la la. La la la. La la la. La la la la la la. La la la la la la la. La la la la. La la la. Aïe aïe aïe. Ah bon. Aïe aïe aïe. On termine en beauté apparemment. Bah, c'était le final, eh oui, c'était le final, il faut trouver, c'est pas facile. Comme l'a dit Karim, on termine en beauté. On va vous donner un indice. Si vous êtes des fidèles de Skyrock, ces temps-ci on en parle beaucoup. Si vous êtes des fidèles de Skyrock, on s'est amusé avec lui un soir dans la radio libre, il n'y a pas très longtemps. Je peux vous dire d'autres comme indice. Bon maintenant, allez-y, hein, à vous de jouer, à vous de trouver au 41-759. La nana. La nana. Un petit indice supplémentaire. Ah ouais, comme ça. Et tu sais que t'as le rythme dans la peau. Hein. Bah, je suis DJ Roro, je sais. Ah ouais, ouais. Je sais, merci du compliment. DJ Roro, le rythme dans la peau et votre télé Samsung a gagné. Vos réponses très vite, ou l'interprète, ou le titre, ou les deux, et là c'est encore mieux. Un gars, une fille qu'on sélectionne et on va jouer au grand quiz de DJ Roro. Bon, il va arrêter de chanter. Applaudissez-moi. Il va mixer. Ouais. Merci, public. Allez, les 6h20. Bonne chance pour la télé Samsung à choper. Belle journée sur Skyrock, bon vendredi. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Trois semaines avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. You guys ready? Exclusive. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet. Grand Stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. This is Rihanna. Rihanna l'anti-world tour. Avec Big Sean en première partie. C'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Skyrock. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Le morning de Difool. Morning show. 6h-9h sur Skyrock. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Le morning de Morning de Difool en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et oui, on est en direct, on est avec DJ Roro ce matin et avec Steven qui est avec nous et Marine. Vous vous en doutez, c'est les deux plus rapides à avoir trouvé la bonne réponse. Bonjour Marine, bonjour Steven. Bonjour. Salut. Salut à tous. Salut. Salut les filles, salut les gars. Et DJ Roro est là pour vous ce matin. Toujours là. Oui, toujours là, beau gosse. Et en plus, grand chanteur. Je peux mettre un jingle? Alors on met le jingle et après tu rechantes, mais juste un peu. Ah ouais, vraiment. Tu sais, il faut pas abuser des bonnes choses. Je sais, le, oui. Le talent, ça ne s'explique pas. Non, exactement, non. La preuve. 12 platines, 816 boules à facettes, 59 machines à fumer. C'est DJ Roro sur Skyrock. Alors Steven et Marine, vous écoutez bien et vous avez la bonne réponse, mais laissez d'abord chanter DJ Roro. Attention, il chante pour vous. Laissez place à l'artiste. Ouais, nanana. La la la. Alors. La la la. Alors, c'est le cas de la, dire. La la la la la. Voilà. Oh. La la la la la. Oh. Ok. Oh. Alors, ce n'est pas Kenji Girac, hein, comme vous nous l'avez mais dit. Pas du tout. SMS. Pas du tout. On a eu toutes les réponses possibles et imaginables. Mais vous êtes plein à avoir trouvé, j'étais étonné d'ailleurs. Ben oui, parce que c'est ça, je chante bien. Alors, Marine, t'as 23 ans, t'es à Épinal. Steven, t'as 30 ans et t'es à Reims, c'est bien ça? C'est ça. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est bien ça. Et la bonne réponse, c'est. Jules. C'est ça. Avec. Wesha. L'or. Wesh alors, Jules qui sort un album aujourd'hui, l'album de Jules s'appelle Émotion. Il est dans les bacs, ça y est, c'est parti. Et il était avec nous hier soir, on s'est bien marré avec lui, on a fait des trucs en Y sur un scooter. Ouais. Qu'est-ce que j'ai été courageux. La vidéo, on vous la met dans une heure d'ailleurs, tiens. On fera le lancement en direct, même pas. Bravo Marine, bravo Steven, vous avez marqué chacun un point chacun. Il faut bravo jouer maintenant pour arriver à 3. C'est quoi ton morceau préféré, Marine? D'accord. Marine, j'ai le même que toi, j'ai absolument le même. C'est vrai que celui-là il déchire pas mal. Steven, tu vas gagner à mon avis. Steven, tu es là toujours. On a perdu Marine. Ton morceau préféré, c'est quoi Steven? Maître Gims, Bella. Maître Gims, Bella, c'est vrai que ça rappelle l'été, ça aussi. Bella. Justement, on va faire un grand quiz. Alors, j'espère que tu vas pas le faire tout seul, Steven, le grand quiz. Le grand quiz contre Marine. Tu vas tenter d'arriver à 3 points. Vous avez donc un point chacun. Oui. Et DJ Roro va mixer pour nous ce matin. Est-ce qu'on a retrouvé Marine? Est-ce que Marine est de retour? Allô, Marine. Marine, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Et c'est bien, bon, voilà. C'est parti. C'est parti, voici le premier mix de DJ Roro ce matin. Il faut me dire le titre ou le morceau. Vous dites ce que vous voulez, à condition d'avoir ou l'un ou l'autre. Et vous criez ça très fort, vous marquez un point. Attention, c'est parti. Musica. Oui. Wow. Et un point de plus. Steven, un point de plus, Katy Perry avec California Girls. Et allez, machine à fumer. Et Katy Perry, qui n'était pas toute seule, j'acceptais également Snoop Dogg, puisqu'il est là-dessus. Katy Perry, Snoop Dogg. Ouais. California Girls, bébé. On vous offre la Californie, magnifique. Et deux points pour Steven, 2-1. Attention, Marine. Ouais. Attention, j'écoute, ma chérie. J'écoute. Ben, il faut écouter, il faut trouver la bonne réponse. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut répondre aussi, Marine. Allez, à toi, Marine, sois bonne. Et Steven, écoute bien. Voici le deuxième mix de DJ Ron. C'est reparti. The present has no ribbon. Oh là là, c'est bon. Oh yeah. Gift keeps on giving. Allez. Ah, c'est bon. Vas-y, Marine. Qu'est-ce que tu as dit, Steve? Get Lucky, il a dit. Get Lucky, c'est la bonne réponse. Oh, j'acceptais Daft Punk ou Pharrell Williams. Et c'est... Oh, je l'avais. Eh oui, sur le bout de la langue, Marine. Et c'est Steven, son troisième point. Bravo, Steven. Bravo, Steven. Bravo. Eh ben ouais, je crois que la télé, elle va filer chez toi, Steven, ce matin. Eh oui, la Samsung 101 cm Ultra HD. Pour te faire plaisir. Il m'invitera pour la regarder. Oui, bah voilà, vous faites ça entre vous, on va vous connecter. Et pour faire plaisir à Steven. Bah oui. Tiens, écoute, Steven. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand. C'est Bella. Ah, tu veux bien Bella. Mais oui, c'est Bella. Maître Gims, les cartons qui nous ont accompagnés tous les étés. L'été arrive, ça va être super. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarre. Bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi, cette fille-là. Ah ouais, un autre carton de l'été, écoutez. Sur Skyrock. Tout ça, c'est les sons des étés précédents. Daft Punk, Pharrell Williams, Maître Gims. Un petit Katy Perry un peu plus vieux, un petit sur ma route, c'était bien. Et dédicace à tous ceux qui sont sur la route. Bien dit, super ça DJ Roro. Il est bon DJ hein. Et ça c'était quand l'année dernière ça. Et big up à toutes les pom-pom girls, cheerleaders. Et oui les cheerleaders. Bon, c'est fait plaisir en écoutant des sons de l'été, c'est bien, ça fait penser à l'été. Mais bon Steven, toi t'es là pour ta télé, c'est gagné. Bravo. La télé merci. Samsung. Et Marine, on va te mettre en contact avec Steven. Vous allez regarder la télé ensemble, c'est magnifique. Il y a pas de soucis. Une histoire d'amour qui se termine, qui démarre, excusez-moi, qui démarre dans le morning, qui va peut-être se terminer dans un lit, je ne sais pas moi. Devant une télé en tout cas. Devant une télé. Devant la télé, c'est sûr. Bah super Marine, on te fait un gros bisou, bonne journée. Bisous, bisous. Super, merci. Steven, on te fait un gros bisou et on t'envoie ta télé à Reims. Bravo à toi. Merci. Vous allez bosser tous les deux aujourd'hui. Oui. Oui. Tu fais quoi dans la vie, Marine? Je suis dans un grand supermarché. Très bien. Eh bien, on salue tous les grands supermarchés qui nous écoutent. Et Steven, ça bosse pas, toi? Si, si, ça bosse. Je suis chauffeur routier. Eh ben, bonjour à tous les chauffeurs routiers qui nous écoutent tous les matins. Et attention sur la route. Et qui bossent. Et attention, comme tu le disais. Super, Didier Roux, sur la route. Bonnes vacances, Didier Roux. Eh bien, on se retrouve, j'espère, à la rentrée. Moi, je serai toujours disponible parce que là, je fous plus rien. Là, oui. Donc, écoute, tu pourras écouter le Morning Best dès lundi. Tu seras peut-être dedans, d'ailleurs. Ah, bah, c'est le problème. Parce que là, moi, Ibiza, c'est plié, terminé. Enfin, chantier. Le vendredi, dans le Morning Best, cet été, vous retrouverez DJ Roro. Pour ambiancer tout votre été, bien sûr. Bien sûr. Il est 6h30 sur Skyrock. Bonne journée à vous. Et d'autres télés à choper tout à l'heure. Hein. Une autre à 7h20. On jouera à Info Mytho. Préparez-vous, Info Mytho pour gagner. C'est à 7h20 tout à l'heure. Mais d'ici là, il va se passer plein de choses. On va déjà faire le point sur l'actu. Les Anglais sortent-ils de l'Europe ou pas? Eh bien, a priori, on devrait avoir confirmation d'ici quelques instants. Mais d'abord, la météo chez nous en France. Ouais, quel et une nouvelle journée estivale sur une majeure partie du pays. Par contre, les orages d'hier qu'on a eu à l'ouest se déplacent de la Loire jusqu'aux Ardennes. Quatre départements sont en alerte orange ce matin. La Charente, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Gironde. Partout ailleurs, eh bien, le ciel est bien dégagé. Demain, samedi, votre week-end avec alternance de nuages et d'éclaircies. Quelques gouttes de pluie de la Bretagne aux frontières du Nord et sur une large façade Est. Et puis dimanche, ça ira un peu mieux avec un temps estival sur le pourtour méditerranéen. Les températures ce matin dans le Nord comprises entre 12 et 19 degrés. 18 à Lille, 19 à Paris, de 18 à 22 dans le Sud, 18 à Lyon et 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 19 au Havre, 21 à Caen, 23 à Lille et à Amiens, 24 à Paris, 25 à Périgueux, 27 à Agen, 28 à Marseille, 30 à Montpellier, 33 à Lyon et 35 à Avignon. La pollution et c'est mauvais, les indices sont compris entre 4 et 6, 6 à Lyon, Montpellier, Toulon, Nîmes, Marseille, Nancy et Angers. Et voilà pour la météo et le point sur l'actu tout de suite, l'actu et le sport à 6h31. Et bye bye United Kingdom, cela fait plusieurs mois qu'on en parle et l'histoire de l'Europe est en train de s'écrire là. Ce matin, les électeurs ont voté en masse hier et c'est le Brexit qui l'emporte selon les chaînes d'infos anglaises. Le dépouillement est toujours en cours, mais le oui à la sortie de l'Union Européenne serait crédité de 52%. Le out, donc vainqueur, et le in qui ne pourrait plus l'emporter puisqu'il ne reste apparemment pas assez de bulletins pour renverser la vapeur. Annonce qui affole déjà les places financières et notamment celle de Shanghai. La livre sterling, qui est la monnaie britannique, n'a jamais été aussi faible depuis plus de 30 ans. Une plainte déposée par la CFDT dans les prochaines heures. Le siège du syndicat a été la cible hier d'une centaine de personnes, plus particulièrement la façade du bâtiment. Les casseurs ont tagué aux lettres rouges CFDT comme c'est fini de trahir. Le syndicat qui se veut réformateur et favorable, vous le savez, grevait à la loi travail. La journée de mobilisation, en tout cas hier, s'est plutôt bien déroulée. Entre 70 000 et 200 000 personnes se sont donné rendez-vous un peu partout en France. Pas d'incident déclaré. Prochaine manif prévue mardi. D'ici là, Force Ouvrière propose de rouvrir le dialogue avec Manuel Valls. Le verdict attendu aujourd'hui au procès de Fabienne Cabou. Les jurés de la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais risquent bien de délibérer pendant plusieurs heures. Affaire extrêmement difficile au vu de la personnalité de l'accusée. Elle est jugée pour avoir laissé sa fille se noyer pendant une marée montante. Une prévenue très intelligente mais malade et qui souffre de paranoïa selon les psychiatres. Elle a évoqué à plusieurs reprises la sorcellerie pour expliquer son geste. Dans les faits, elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. On fait le point sur le sport maintenant. Laurent Blanc, bah lui aussi, il s'en va. Et puis la finale du top 14, ça c'est du rugby. Ouais, une histoire d'amour à 20 millions d'euros. La confirmation du PSG est toujours attendue, mais c'est désormais certain. Les quotidiens affirment que Laurent Blanc et le club de la capitale ont rompu le contrat du Sevenol qui courait jusqu'en 2018. Mais petit bémol quand même, puisque d'autres évoquent un accord qui a été trouvé, certes, mais qui serait conclu en début de semaine prochaine. Donc, pour être sûr, on attend la confirmation du Paris Saint-Germain. Aussi le montant, parce qu'on parle de 20 millions d'euros, mais peut-être que Laurent Blanc aurait même pu négocier un peu plus. Donc, dès qu'on en sait plus, forcément, on vous tiendra au courant. Et puis du rugby, un rendez-vous annuel très attendu par les fans. On saura ce soir qui soulève le bouclier de Brennus version 2016. Finale du top 14 entre le Racing 92 et Toulon. D'un côté, un club francilien qui a échoué en Coupe d'Europe et qui ne veut pas repartir les mains vides. De l'autre, un grand coach, Bernard Laporte, qui veut rafler le titre avant de quitter le RCT. Match à suivre dans l'antre du Barça au Camp Nou à 20h45. Merci Rémi pour les infos. Et les 6h33, on se retrouve dans une demi-heure juste avant les 1 500 euros. Et à 6h33, on vous souhaite une bonne journée. On se prépare pour vos places, les places de l'Euro à gagner à n'importe quel moment. La finale, c'est sur Skyrock. La journée commence bien avec Difool et Romano. On est chaud. Le morning de Difool sur Skyrock. Et oui, le morning, le dernier de la saison. Et c'est avec un petit peu de tristesse qu'on va vivre ce morning. Ah bah c'est pas fini. Hein. Mais surtout avec plein de cadeaux. Et puis on sera là toute la, tout le début de l'été, hein, tous les soirs entre 21h et minuit. En direct live. Et Vincent débarque tous les matins dès lundi pour vous réveiller sur Skyrock avec le gros son de Sky. Et avec le morning best, les meilleurs, les pires moments du morning. Mais surtout, les meilleurs. Car ils sont là, les meilleurs, ce matin. Regardez Cédric. Ouais, je suis là. Et oui, oui, oui. Bonne tête de vainqueur, ça. Ouais, regardez Karim, tiens, en parlant de tête de vainqueur. Ah oui, bonjour. Bonjour, Karim. Tête de champion et aussi. Et oui, tête de chauve. Romano est là également. Ouais, ouais, ouais. Et je garde la plus belle. Ah oui. Cariole qui est là et qui sourit avec son palmier sur la tête. Elle est magnifique. Je ne vous parle pas de Rémi parce qu'on a déjà eu notre dose. Là, il vient de faire les infos. C'est bon. Hein. Ouais, ouais, c'est bon. Bon. Allez. Mais c'est je suis bon. Là, moi. Oui, je sais. C'est bon, dans une demi-heure, ça sera bien suffisant. Ça sera lundi d'ailleurs, Rémi aussi. Yes. Designer Panda, c'est le son qu'on va écouter maintenant. Tiens, on va parler de l'été. Avez-vous déjà eu des histoires d'amour pendant l'été? C'est la saison de l'amour pour moi l'été. C'est vrai, bah, avec ah, bah, oui, ah, bah, oui. Avec Cariole, on s'est rencontré l'été. Et oui, avec la gothique, tu t'es rencontré l'hiver. Ouais. Et au réveillon du jour de l'an. Et ouais, comme quoi. Et tu t'es séparé l'été. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Bon, vous avez eu des amours de vacances. On va parler du sondage du jour. On va le faire tout de suite, le sondage du jour. On vous a préparé un petit zapping de l'année pour avant 7h du matin. Vous verrez, on fera écouter ça. Donc, sondage du jour, tout de suite, maintenant, vous saurez avec qui les hommes ont eu des relations l'été avec un personnage d'été, genre par exemple le maître nageur. Ah oui. Et pareil pour les filles, avec qui les filles ont eu un rendez-vous ou des amours d'été. Avec le DJ de la boîte du camping. Par exemple, exactement. Donc, on en saura un petit peu plus avec le sondage qu'on a chopé pour vous. Et vous nous dites si vous avez déjà eu des amours d'été. Nick Taz, il a rencontré sa copine en vacances. Et ça fait 6 ans qu'on est ensemble maintenant. Super. Bravo. Ouais, moi je me suis dépucelé l'été, nous dit Linda sur SMS. Ouais, ça arrive souvent l'été. Hein. Et je pense que ça arrive plus souvent l'été que l'autre saison. Ouais. Ah, il y a du dépucelage à tout va l'été. Et oui, plus difficile d'enlever une doudoune l'hiver que d'enlever un maillot de bain l'été. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pour tout ça, vos messages au 41759 et sur la petite Skyrock, vous nous dites tout. Et puis du son pour se réveiller ce matin. Tiens, on a parlé des tubes de l'été avec DJ Roro qui était avec nous il y a un instant. Ah, connaisseur. Designer, ce sera des tubes de l'été sur Skyrock. Panda, panda. Panda, panda, panda. On va faire un petit récapitulatif des tubes de l'été. En quelle année c'était ça? Tiens, on va remonter le temps. Ah, donc on doit trouver l'année. Oui, c'est un titre qui n'est pas passé sur Skyrock. Mais ah, qui était un des cartons de l'été. Quelle année? Bah 2015. Bonne réponse. Ah ouais, c'était pas avant? Bah non. Non. Sur ma fiche, j'ai écrit 2015. Je suis pas le spécialiste de Kenji Girac, mais 2015 aussi, ça c'était sur Skyrock, c'était The Weeknd. Ah, j'ai donné l'année, excusez-moi. Bon, 2015, non? Ouais, bien joué. 2015, I can feel my face. Et attention, tiens, je vous en prends un plus compliqué, celui-ci. En quelle année c'était ça? C'est Beyoncé. Allez, je dirais 2004. Non, 2011, Romano. Bah oui. Ah ouais. Ouais, Katy Perry qu'on a écouté tout à l'heure avec Snoop, c'était en 2010, juste l'année d'avant là. Et je vous en fais un dernier. Allez, un petit dernier pour allez, la route. Allez, allez. Ah, 2006. Non. 8. Non. 4. 9. Oui, 9. Tu vas y arriver, 2009. Oh, puis je peux pas résister au plaisir de vous faire écouter ça good aussi. Good night. Écoutez bien, donc I Got a Feeling, 2009 et ça et ça et ça. Ah ouais, ça 2002. Ouais, là, on remonte dans le temps. Hein. 2000. Non, pas 2002, plus. 2004. Non, 2004, 4. Bonne réponse. Ah. 2004. Ozone. Je crois que c'est 2004. C'est 2004. Les Moldaves. Oh là là. Ah là là, oui. Tu dis, Carriol, on va mettre designer. Hein. Ah oui, je préfère. Bon ben, si t'en as pas un dernier là. Un dernier, t'en veux? Allez, celui-ci là. Ah, la SketchUp. Ah ouais. Quelle année? 98. Non, 2001. 2002, oui. Ah, je suis fan. Tiens, vous voulez un truc du début du siècle? Allez, allez. Voici un son du début du siècle sur Skyrock. Yannick. Oui. Ah ouais. 2000. 2000 tourons. En haut. Et pourquoi? En bas. À gauche. À droite. Et moi. C'est pour ça. Aime tous ces soirées-là. Bon, et nous on aime Panda maintenant. Ça, c'est retour en 2016 sur Skyrock avec le son du Panda Designer. Et dans un instant, on parle d'amour d'été avec le sondage du jour. Bonne journée, bon réveil. Bienvenue si vous arrivez sur Skyrock. Il est 6h38 et c'est le Panda sur Sky. Panda, I got broads in the land. She's a Dolly in the family. Credit cards in the scams. Hitting no licks in the van. Legacies, family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Way and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Hope you killers understand it. I got broads in the land. Twisted or lean in the van. Credit cards and the scams. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Way see, look like a band. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Way see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Hope you killers understand it. Hey! Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in the line, twisted up lean street, sip a fan. Credit cards in the scams, wake up beside you, let it sound. Whole bunch of lettuce shoot, they be answering rent, I know we clap at you. I be pulling my stuff in the fan shoot. I got plenty just off of Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got standing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the fan, no nigga, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the panic, go out to the Grammy, but bully, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of the money. No killers, pull up in the inner baby, CTD. Diddy pull off and he kill it, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby be trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the fool, and the doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in the land. Twisted door lean the fan. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, fan. Why is he panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then nigga pull up your bandit. Hope you killers understand me. Designer sur Skyrock, Panda, Panda, à 6h41. Et on va parler d'amour d'été. Et vous êtes plein à avoir trouvé l'amour l'été. J'ai regardé les messages que vous nous avez laissés. Moi, je suis déjà tombée amoureuse du maître nageur, mais il a jamais voulu sortir avec moi. J'avais 14 ans, il en avait au moins 30. Ah, c'est pas pour ça. Ouais. Bah, c'est peut-être mieux, sinon le mec était un peu en mode pédo. Oui, c'est bien. C'est peut-être pas plus mal qu'il soit pas sorti avec toi. On te fait un gros bisou. C'est Miss Felindra qui nous a laissé un message sur le 41759. Bon, merci pour les messages que vous nous avez laissés, des messages d'amour sur l'été. Et oui, l'été, l'amour. Et le sondage du jour. Alors vas-y, l'été là. Alors tu veux savoir, Romano, réponse pour les hommes. Avec quel personnage d'été vous aimeriez avoir une aventure cet été? Personnage d'été, c'est le barman, c'est la petite serveuse, la serveuse du resto, ouais. Le barman si tu veux, Marie. Le maître nageur classique, Marie, Cariole. Le maître nageur. Tu t'appelles Cariole? Oui, moi c'est Cariole. Ah, ouais. C'est bien pour le dernier morning, je me rends compte. Ah, c'est bien. C'est moi je dis rien, moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Bon, alors les réponses des hommes. À qui ils aimeraient sortir? La jeune touriste étrangère qui ne parle pas un mot de français à 50%. Perdu. Oh. Ah ouais. Oui, bah bien entendu. Oui. La petite allemande qui vient d'arriver. Bonjour. Ah, bonjour mademoiselle. Ah, on va manger une choucroute. Ah, comme c'est romantique. Oh, s'il y a moyen de niquer après, pourquoi pas. Allez, ouais, une petite choucroute. La jeune touriste qui ne parle pas un mot de français, c'est la réponse pour les hommes. En deux, la serveuse de boîte de nuit ou ouais. La serveuse de bar. Ouais, en plus, c'est pratique, elle paye des coups à l'œil. Ou la serveuse de resto. Donc une serveuse, ça c'est pour 29% des gars. La femme de chambre d'un hôtel fait fantasmer. Ah, ça c'est Descartes. Dominique Strauss-Kahn, mais également 28% des Français qui fantasment sur la femme de chambre de l'hôtel. En 4, c'est une mère de famille en vacances avec ses enfants. Et ben, une petite mille. Ouais, qui part en vacances alors que le mari continue de bosser. Ou alors qui est divorcé. Ou alors qui. Oui. Ah, ouais. Et ça c'est pour 22%. Et sinon, la femme de quelqu'un qui est partie en vacances avec vous. Hein? Oui, bah oui, c'est la copine d'un pote, quoi. Ouais, la femme d'un pote, c'est cool. Allez, ah, excuse-moi, je me suis trompé. On était bourrés, je me suis trompé de femme. Ça arrive. Et la réponse pour vous, les femmes, avec quel personnage d'été vous aimeriez avoir une aventure? En 1, le coach sportif. Ouais. Le coach sportif. Ouais, du club. De la plage, du club. Le coach sportif du coin, à 43%. Ah ouais, quand même. Tout ah ouais. Simplement parce qu'il fait du sport. Vous comprenez, les filles, pourquoi je fais du sport? Bah, évidemment. Évidemment. Et ouais. En 2, le barman, il peut vous offrir des coups. Le serveur. Ou le serveur du resto ou du bar, à 16%. Après, eh bien, il arrive le maître nageur. Ah, ça y est. Il est là, j'étais sûr qu'il y avait un maître nageur là-dedans, moi. 15% des filles se disent, oh bah, se taper un maître nageur pendant les vacances, c'est pas mal, tu vois. Félindra qui nous a laissé un message il y a un instant. Et il n'y a pas le DJ de la boîte du coin? Eh bien, si, il arrive en 4. Quand même, le DJ, le célèbre. DJ de la boîte de nuit, à égalité pratiquement, juste un peu derrière le maître nageur. Et en 5, quelqu'un qui est parti avec vous en vacances, si possible, qui n'est pas pris pour vous, les filles. Ouais. C'est mieux. Ça, c'est une des différences avec nous, les gars. C'est ouais. Clair. Nous, on prend quelqu'un qui est déjà pris. Ouais. Vous prenez quelqu'un qui n'est pas pris. C'est donc le sondage du jour. Et 54% des Français font plus l'amour pendant les vacances. Profitez-en. Hein. Bah, c'est vrai qu'il n'y a que ça à faire. Et ouais. Il y a quand même 28% des gars et 21% des femmes qui ont déjà quitté leur partenaire pendant les vacances. Eh ben, bon été. C'est aussi des choses qui peuvent vous arriver. On tenait à vous prévenir ce matin. C'est bien, tu pars avec quelqu'un, tu reviens solo. Oui, c'est vrai. Bon, le retour coûte moins cher. Bon, ben, vous avez vu, c'est le sondage. Ça va être chaud cet été. Ouais. Je sens chaud cet été, moi. Bon, on n'a pas un petit coup de fil à passer? Allez, vas-y. Voilà, je suis chaud du slip. Allez, c'est parti, Cédric. On file en France, c'est l'heure du French Test. Le French Test sur Skyrock. Bon, est-il facile de se faire inviter pendant les vacances chez les familles et en plus de leur demander de nous aider pour nos relations d'été? On va chez qui? Là, on va chez Jean-François. Jean-François qu'on appelle en direct sur Skyrock. Et attention dans un instant, l'horoscope de l'amour. On prépare. C'est un mec, tu t'en occupes? Pourquoi c'est moi? Prendrai les femmes. Allô? Oui, ah, c'est moi qui m'en occupe. Voilà, je Jean-François? Ouais. Comment ça va? Ça va. Ça va, bon. On t'appelle, enfin je t'appelle ce matin, Jean-François, parce que je suis dans le coin, je suis tout seul, je suis parti en vacances tout seul, et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on pourrait pas se rencontrer tous les deux? Allô? Oui, Jean-François. Tu sais, j'ai parlé à ta femme, elle m'a dit que t'étais un super bon coup au lit. Hein. Elle dit quoi? Elle m'a dit que elle m'a dit que toi, t'étais un super bon coup au lit, Jean-François. Au top. Hey Jean-François, pour que ta femme elle s'embête pas, moi je m'occuperai d'elle. Allez, moi je m'occupe de Jean-François, tu si j'ai bien compris. Bah voilà, bah oui, c'est voilà. Bien. Donc c'est moi bien. C'est Jean-François et toi tu tapes sa femme. Bah je me fais pas enculer. Non mais attends, si c'est ça, c'est le but. C'est pas Jean-François. Jean-François, ouais. Jean-François. Ouais. On vient de voir. J'ai un ami pour ta femme et puis moi je m'occupe de toi, comme ça y a pas de jaloux. Non, non. Ah allez. Si, Jean-François, un petit coup dans le pot, ça fait jamais de mal le vendredi. Ouais, c'est l'été. Ah bah si, mais ça nettoie. Hein. Ça nettoie. Ah là, j'ai du boulot. C'est comme un Karcher avec un petit tuyau. Hein. Bah et toi, va travailler, nous on vient, on va s'occuper de ta femme à deux. Je suis pas marié. Ouais. Ah bah oui. Dommage. Ah merde. Voilà pourquoi je suis pas arrivé. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'y arrive pas? Tiens. Bon bah ce bon. Soir, Jean-François, on vient de prendre un sandwich. Oui, et vive les vacances, Jean-François, on t'embrasse. Bisous. Voilà. Putain, Jean-François est au bout du rouleau, le pauvre. Ouais. Ok, bon. Ah, bah, il y a du seul. Un truc qui va pas. T'en as un autre, Cédric? Ouais, vas-y. Alors, c'est qui? Là, bah, c'est Frédéric. Alors, Frédéric QE ou Frédéric C, mystère et boule de gomme. Avec un C. Donc, c'est une. Un mec. Ah, bien joué, Cédric. Il ne s'est pas fait avoir. Hein, oui. Il est fort. Je fais un petit test pour voir s'il était bien réveillé ce matin. Tu veux que je récupère l'homme et tu prends la femme? Ah, c'est gentil, Romano. Bah, tu vois, on fait un coup sur deux. Voilà, c'est bien. De toute façon, du coup, on va se taper Jean-François, celui d'avant. À deux. Hein. Oui, c'est vrai. Pas le choix. Et là, j'ai l'impression qu'on. Bah, là, on va se caresser mutuellement parce qu'il répond pas. Tu prends où? Ah, bah, ouais. Vous êtes sur la message. Ah, et, allô? Allô? Emmanuel. Oui. Ouais, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Oui. Ouais, comment tu vas? C'est un homme, c'est pour toi. Ça va bien? Oui, vous êtes qui? Eh ben, là, on est deux potes. Là, on est venus en vacances dans le coin, là. Et on s'ennuie un peu. Donc, je me disais que peut-être avec toi, il y aurait peut-être moyen de créer une histoire d'amour ou même que de sexe. Pendant les vacances, tu sais, une histoire de vacances, là, comme ça. Ouais, comme ça, tu sais, je viens, on se rencontre, on se met un petit coup mutuel et puis on est heureux, quoi. Et pendant ce temps-là, mon copain s'occupe de ta femme, histoire qu'elle ne soit pas délaissée. Oui, parce qu'il est hors de question de laisser ta femme comme ça sur le carreau. Bah, on va pas la laisser sur le bas-côté, comme ça, au bord de la route. Tu es prêt, Emmanuel? Il a l'air. Emmanuel. Mais c'est ça, Karim, mais tout à fait. Je crois qu'il est prêt, là. Emmanuel, bah là, il est à point, même. Voilà. Emmanuel. Avant d'être à point, le mec est tombé, là. Le mec est tombé dans les potes. C'était trop dur pour lui, dès le matin, comme ça. Ouais, ouais. C'est vrai. Bon, ben, Romano, on part en vacances ensemble, alors. Bah, voilà, ouais. Ah, on va passer de bons moments, on a un amoureux, tous les deux. Non, main dans la main. Profitez de cette... Regardez les couchers de soleil. Exactement. Profitez de cette belle saison. Profitez-en, vous aussi, hein. Je peux venir avec vous. Et malheureusement, il n'y a plus de place dans la voiture pour toi, Cédric. Oh, allez, vas-y. Ah, non, on a beaucoup de bagages, ouais. Et oui, exactement. On n'a pas un semi-remorque, hein, pour partir. Désolé, on a pas de bétaillère. Désolé. Ça n'est bien sorti, malgré tout. Ah ouais, très bien. Allez, 6h48. Ah, le zap de l'année du morning dans un instant. Vous allez le retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé cette année dans le morning? Plein de choses. Tenez-vous prêts. C'est juste après l'horoscope de l'amour. Dans une minute, votre horoscope et MHD. Bah, tiens, un son de l'été, ça aussi. Afro-trap dans le morning à 6h48. Si le canapé, je le mettais plutôt ici et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez IKEA. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. Chouchou, veillez. Cet été, le seul son que vous entendrez sur la plage, c'est ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sur Maître Gims, ma beauté, le tube de l'été. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama. Avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr. Date légale selon préfecture. Et à 6h49, l'horoscope de ce vendredi. C'est parti. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Voici vos puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5. Et l'horoscope sera là pendant tout l'été aussi. Les lions et les gémeaux, 0 sur 5. Vous prenez un petit peu trop la tête pour rien. Keep cool, tranquille. Peace. Arrêtez de cogiter, libérez-vous, les lions et les gémeaux. 1 sur 5, les sagittaires et les balances. Vous avez un côté un petit peu trop mystérieux aujourd'hui. Ah. Ça risque de fatiguer plus vos proches que de les intriguer. Dites plutôt ce que vous ressentez franchement et ça ira mieux. 2 sur 5, les vierges et les béliers au travail ou en amour. C'est une journée négo qui vous attend. Vous allez négocier pour obtenir ce que vous voulez aujourd'hui. 3 sur 5, les cancers et les taureaux. Vos relations sentimentales vont bien évoluer aujourd'hui. Des changements, mais positifs, c'est ce qui vous attend ce vendredi. Cancer, taureau, 3. 4, les capricornes et les scorpions. Ah, c'est mieux. Vous savez comment faire passer vos envies aux autres. Et ça tombe bien, ils seront très réceptifs aujourd'hui. Foncez, profitez bien de cette belle journée. Ça va être très chaud pour vous, les capricornes et les scorpions, avec 4. Et on termine par les poissons et les verseaux, vous avez 5 sur 5. Oui. Aujourd'hui, vous vous adaptez à toutes les situations. Vous êtes un peu les caméléons et les caméléones de l'amour. Parfait, c'est joli un caméléon, c'est bien l'image. Oui, oui. C'est bien. C'est ignoble comme bestiole. C'est une grande langue. Ouais, c'est bien, ça change de couleur et oui, tout. Mais bon. Les poissons et les verseaux, 5 sur 5. Et dans un instant, le zap du morning. Alors, zap du morning à 6h51, on vous annonce ça, vous dites c'est bizarre. C'est le zap de l'année, il s'en est passé des choses. Eh mais oui. On va zapper comme ça dans l'émission, tenez-vous prêts. Et juste après, mais tiens, le son des MHD. Afro-trap partie 5. Afro-trap partie 5, Le morning de Difool. MHD dans le morning de Difool. On est chaud. 6h-9h sur Skyrock. Ben oui, je vous l'ai dit. Les bâtards qui partent par intérêt. Enfoiré que penser le terme. Apprends des marchés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Enfuis ta tenue, mon gars, pour ce combat. Mon chip, pas de fatigue, paye, j'en teste. Mon banque va gérer mes peines, moi. Et ma ça tue pour les mecs. passe pour notre Paris Balé. Faut que les jaloux j'y vois ma vie. À 11 ans je dis ça va mal. Gâté, appétit. Quand je pars j'ai la boule à tout Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me méprise mes gars sont mes prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. Ouais, c'est bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la porte claire. On se suit l'air, c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus d'ululaire quand la ligne est restreinte. Gâté, appétit. Quand je me barre, je la moule à du Brésil. Imbécile, je veux barre loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Quand je pars, j'ai la boule à tout Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Afrotrap partie 5, c'est le son de MHD sur Skyrock à 6h53. Et on va retrouver le zap de l'année du morning. On saura plusieurs dans la matinée. On va s'en faire maintenant parce qu'il s'en est passé des choses dans cette année de morning. Des choses de folie. Romano, on a un truc pour toi à te faire écouter. Là, ça va te rappeler une très grande histoire d'amour. On était parti à la recherche d'une de tes ex dans l'émission parce que, on le sait, on s'est rendu compte que elle était toujours dans ton cœur, elle était toujours dans ta tête et que tu l'aimais encore, cette belle gothique avec laquelle tu as vécu une histoire d'amour de 3 ans et demi. Bah ouais, même Cariole n'a pas réussi à me la faire oublier. Et oui. Vous allez écouter ce zap du morning de l'année avec de belles histoires d'amour, de la culture également, grâce à toi, Cédric. Ah, toujours. Cool. Et oui, oui, de la culture. Également d'autres déclarations d'amour. Et puis, un peu de violence, parce que ça fait toujours un petit peu du bien. Hein. Voici le zap du morning de cette saison 2015-2016. Le zap du morning de toute l'année. Allô, la gothique ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va, c'est qui ? Eh ben, c'est un de tes ex, je crois, le plus célèbre. Ah, c'est, si. C'est ton ex au téléphone. Eh oui, tu te souviens quand on faisait des balades dans le cimetière, tout ça ? Excusez-moi, vous êtes trompé. Ah non, non, je me suis pas trompé, c'est bien toi. C'est la gothique, en plus elle est des portugaises. Ah ouais, pareil. Quel est le rappeur français qui a publié une photo sur Instagram où il porte pas de lunettes alors qu'il en a tout le temps ? François Hollande. Maître Gims. On va commencer avec la puissance amoureuse qui est à zéro aujourd'hui pour les taureaux et les poissons. Vous manquerez un petit peu d'autodérision. Tu comprends autodérision ? Oui, oui, oui. Ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que... rigoler de l'humour, quoi. Rigoler de l'humour. J'ai un message pour Romano. Ah. Vas-y. C'est possible d'avoir une musique solennelle, s'il vous plaît ? Une musique solennelle, carrément. Oui. Tu es prêt, Romano ? Je suis prêt. Romano, tu es victime de l'injustice belge, mais l'amour de ta team est plus fort que tout. Oh. Alors ce soir, on abat le veau grâce à une victoire de toi, Romano, notre c'est héros. C'est magnifique. Wow, bravo. Océane, présidente. Mais je suis le petit lapin. Le petit lapin. Tu es enculé de tête de con. Ne dis pas ça à un enfant. Je suis en 6e, j'aimerais que ton mari me parle autrement parce que je vais le dire à ma maîtresse. Eh ben t'as qu'à le dire à mon cul, c'est plus près. C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Le dire à son cul, c'est plus près quand même. C'est pas bête. Bonne idée. J'ai entendu de l'amour, mais pas que. Dans le zap de cette année 2015-2016, on fera un petit point tout à l'heure. On vous offrira vos places pour l'Euro aussi. C'est pas encore tombé. Ça peut tomber à n'importe quel moment du morning. La finale. Ouais, la grande finale. La finale de l'Euro, c'est en France, c'est au Stade de France. Et les places, c'est évidemment à gagner sur Skyrock. Les places Crédit Agricole à vous offrir. Tenez-vous prêts, les 6h56. On revient tout de suite avec les infos, avec vos 1 500 euros. Et les 21 Pilots qu'on écoute avec Stressed Out. Écoute, c'était hier soir dans la radio libre de Difool. Alors Jules, tu voulais une grosse moto et on t'a ramené. Un petit zip là, tranquillement, on va tout péter avec, on va cabrer, on va le mettre en Y. Tous les soirs. Donc tu vas le mettre en Y, alors c'est très bien parce que c'est Cédric qui a payé la caution. Eh vas-y Jules. Tu veux que je monte derrière ? 21h minuit. Il est tout blanc, Difool. Ça fait des roues arrière et il est en panique.

pour ce vendredi. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Eh ben, ça dépend encore une fois où on se situe. Hein. On a cette, tu sais, la vague orageuse d'hier dans l'Ouest qui va se déplacer aujourd'hui de la Loire jusqu'aux Ardennes. Du coup, on a quatre départements en alerte orange, la Charente, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Gironde. Partout ailleurs, le ciel est bien dégagé. Demain samedi, alternance de nuages et d'éclaircies avec quelques gouttes de pluie de la Bretagne aux frontières du Nord et sur une large façade Est. Et puis dimanche, ça ira mieux avec un temps estival sur le pourtour méditerranéen. Les températures pour ce matin, 12 degrés à Brest, 14 à Rennes, 16 à Rouen, 17 au Mans, 18 à Lille et à Lyon, 19 à Paris et à Montpellier, 20 à Toulon et 21 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 19 à Saint-Brieuc, 21 à Alençon, 23 à Orléans et à Lille, 24 à Paris, 25 à Reims, 27 à Clermont-Ferrand, 28 à Marseille, 30 à Perpignan et 32 à Mâcon. Et puis la pollution, c'est mauvais, les indices compris entre 4 et 6, 6 à Lyon, Montpellier, Toulouse, Nîmes, Marseille, Nancy et Angers. Et le poisson d'actu, toute l'actu et tout le sport, c'est parti. Oui, au Brexit, au Royaume-Uni, le dépouillement est toujours en cours après le vote d'hier, mais tout semble plié selon les médias britanniques. Le pour l'emporterait avec 52% des voix, même si on attend encore les résultats officiels. C'est donc historique. Le Royaume-Uni quitte l'Europe. Les pro-Brexit se sont mobilisés en masse, principalement dans les régions les plus populaires. Une annonce qui affole déjà les places financières et notamment celle de Shanghai. La livre sterling, qui est la monnaie britannique, n'a jamais été aussi faible depuis plus de 30 ans. Reste désormais à savoir ce qui va se passer. La procédure pour quitter l'Europe va durer plusieurs années, entre 2 et 7 ans, et d'autres pays pourraient bien suivre le pas. Dire d'ailleurs, le parti d'extrême droite des Pays-Bas demande également un référendum sur l'appartenance des Pays-Bas au sein de l'Union Européenne. Une plainte déposée par la CFDT dans les prochaines heures. Le siège du syndicat a été vandalisé, plus particulièrement la façade du bâtiment. Une centaine de casseurs a tagué aux lettres rouges CFDT comme « c'est fini de trahir ». Le syndicat qui se veut réformateur est favorable à la loi travail. La journée de mobilisation hier s'est plutôt bien déroulée. Entre 70 000 et 200 000 personnes se sont donné rendez-vous un peu partout en France. Pas d'incident à déclarer. Prochaine manif prévue mardi. Force ouvrière propose de rouvrir le dialogue avec Manuel Valls. Manuel Valls qui, comme François Hollande, aura les yeux rivés ce soir vers Pôle emploi. Les chiffres du chômage pour mai seront dévoilés à 18h. L'exécutif espère bien évidemment une nouvelle baisse. Ce sera peut-être le cas pour le troisième mois consécutif. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui sont désormais en opposition quasiment sur tous les sujets. Dernier point de discorde entre les deux hommes, les investitures pour les législatives de l'an prochain. Le maire de Bordeaux estime que les choix qui ne seront validés qu'en décembre ne sont pas rassembleurs. Sans le dire, eh bien, il conteste les investitures de Patrick Balkany dans les Hauts-de-Seine et de Georges Tron dans l'Essonne. Le premier est mis en examen dans 4 affaires, tandis que l'autre est accusé de viol et d'agression sexuelle sur d'ex-employés municipales. Un fait divers dramatique hier au Canet en Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Un père de famille est mort noyé alors qu'il tentait de sauver son fils. L'accident s'est produit en fin d'après-midi. L'enfant âgé de 12 ans a finalement été retrouvé par les secours. Il a été transporté à l'hôpital de Perpignan dans un état grave. Le père, qui était en arrêt cardio-respiratoire, n'a pas survécu. Et on fait le point sur le sport et du foot avec Laurent Blanc qui s'en va. Bon, ça c'est sûr, définitif, avec une grosse somme quand même. Et puis un peu de rugby aussi. Ouais, l'annonce est faite par l'équipe ce matin. Ça y est, le contrat est rompu entre Laurent Blanc et le Paris Saint-Germain. Le Sevenol n'est officiellement plus l'entraîneur du club de la capitale. Bonne négociation pour le coach dont le contrat courait jusqu'en 2018. Montant des indemnités, 22 millions d'euros. Et puis du rugby avec ce rendez-vous attendu tous les ans par les fans qui soulèvera ce soir le bouclier de Brennus versus version 2016. Finale du top 14 entre le Racing 92 et Toulon. Coup d'envoi à 20h45 et pour la première fois dans l'antre du FC Barcelone au Camp Nou, la finale du top 14 s'exporte en Espagne. Très bien, merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure pour la suite. Il est 7h05 sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est enfin vendredi. Enfin vendredi. Et c'est le morning de Difool. The morning show en direct sur Skyrock. C'est en direct et avant 9h, vos places pour l'euro. Tiens, on fait un petit bilan de 7 euros pour l'instant. Et tout à l'heure aussi, les pronostics de la chatte de Marie. Marie du soir, Marie de la Radio Libre, vient nous rendre visite si elle se réveille. Oui. Et si elle se réveille, ça déjà, c'est un miracle. Elle arrive avec son animal pronostiqueur, sa chatte. Elle nous a certifié l'autre jour, à la fin de l'émission, que sa chatte était la meilleure pronostiqueuse du monde. Eh ben, on va voir ça. Hein. Pour le moment, le seul animal qui a foiré, c'est les cafards. Oui, c'était Blatard le cafard. Ouais, il y a eu même notre chien, Cariole et moi, pronostic parfait. Non, ça nous étonne pas. Il y a eu Côte-Côte la poule, pronostic parfait. Aussi. Parfait. Nickel. Et ce matin, donc, il y a Kawa, la chatte de Marie, qui vient nous rendre visite tout à l'heure pour les pronostics de l'euro. Bon, l'euro, petit bilan. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif pour cet euro? Les supporters. Ouais, moi, l'ambiance aussi. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Et puis la qualification quand même des Bleus. Mais oui. C'est vrai, t'as raison, les supporters, notamment les supporters irlandais qu'on va rencontrer là. For the French police stand up. job for the French police. Oui, ça c'est positif. Nos bleus aussi, ils sont sympas, nos bleus. Ouais, ça va, ça se passe bien. Bah, mieux que des années précédentes, oui. Ah oui, c'est vrai qu'on a morflé. C'est quand même le jour et la nuit. Oui. Vous avez pas vu les Irlandais, là, ce qu'ils ont fait hier avec, avec le ballon? En fait, ils étaient en bas d'un immeuble, il y avait une fenêtre ouverte et ils s'amusaient à tirer le ballon dans la fenêtre. Bah oui, c'est comme une cage. Et ils ont réussi. Oui, ils étaient là. Et après, les mecs, ils étaient là. Ouais. Et ils chantaient Stand Up for the French Police. Non, ils étaient contents, ils tiraient des tirs. Mais le mec, ouais, ils visaient bien, non pas. Ouais, pas mal. Ouais. Non, mais c'est bien de voir des Européens en France, ça fait plaisir. Surtout quand on apprend des nouvelles comme le Brexit qui me rend un petit peu triste. Ah, ça fait mal au cœur. Mais heureusement, vous êtes là. On est là, tous ensemble, et nous nous aimons. Et oui. Voilà. Donc, vos places pour l'Euro à gagner. Donc, le parcours de l'équipe de France, sympa. Les supporters, sympa. Tout se passe bien pour le moment. Bah, écoutez, c'est sympa. Et puis, on espère que le match de dimanche sera sympa. Même si on aime bien les Irlandais, faut qu'on gagne quand même. Hein. Là, il y a juste un problème. C'est, j'ai entendu là, la fan zone à Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Bon, a priori. Sur la plage, là. Ouais, il n'y a pas grand monde. Non. Marseillais préfèrent aller voir ça dans les bars. Mais en fait, non, parce qu'ils sont cons, ils l'ont fait sur la plage. Mais en fait, parce que la fan zone, déjà, l'entrée, elle est payante. Oui, déjà. À Marseille, c'est 2 euros. Ah oui, puis c'est 3 euros la bouteille d'eau, 6 euros la bière. 7 euros la bière. Ah, quand même. Ah. Et du coup, les gens, tu peux voir l'écran vidéo en dehors de la fan zone, mais à côté sur la plage. Oui. Donc les gens, ils se mettent en dehors de la fan zone avec leur pack de bière et puis ils voient le match gratos. Ah, c'est un peu bête, ouais. Voilà un petit conseil pas cher. T'as donné un conseil pas cher sans le vouloir aux Marseillais ce matin. Ah bah ouais, mais je comprends en même temps. À 7 balles la bière. Ça fait cher. Ah bah t'as intérêt à la déguster à ce prix-là. C'est toi qui vends, non? Non, malheureusement. T'as pas monté une boîte, la boîte des fanzones. Non, mais franchement, c'est de balle la bière, je vais bien le faire, ouais. Bon, les places de l'Euro tout à l'heure à gagner. À 7h20, on jouera un faux mytho. Je vous ai promis une télé de plus. Allez, télé Samsung pour vous. Ouais. Et puis dans 5 minutes, là, les conseils pas chers, ils arrivent. Oui, conseils pas chers. Les vrais, hein. Oui, été. Été. Et tiens, dites-nous si vous avez déjà ramené des contrefaçons, des faux. Vous êtes parti à l'étranger, vous avez ramené, je sais pas, un faux sac Vuitton. Oh ouais. Ah non, non. Des faux maillots de foot. Oh ouais. Non plus. Je sais pas des. Mais je les paye plein pot. Ah ouais, mais t'es bien con. Des faux téléphones, des bijoux. Des faux téléphones. Ouais, ça existe. Des faux iPhone. Il existe des contrefaçons d'iPhone. Ouais, ben bah, en Chine par exemple. Sinon, jamais les Chinois, ils sont forts, ces Chinois. Mais là-bas, il y a même des faux Apple Store. Hein. Oui, mais ça, ça s'écrit APPE2LE. Ouais, et puis le logo, c'est plus une pomme, c'est une poire, mais bon, voilà. Ah, ouais. Mais elle est croquée quand même. Hein. Ah oui. Bon, on parle contrefaçon. Vous avez déjà acheté des contrefaçons, vous nous faites signe dans un instant. Comment gagner de l'argent grâce aux contrefaçons? Eh bien, je vais me mettre mon petit costume de, sans doute, de douanier. Allez, le douanier Romano arrive juste après. Jules, il était avec nous dans la Radio Libre. On s'est bien marré avec Jules. Il est marrant, ce Jules. Ouais. Emotion, c'est le titre de son album. Il est sorti aujourd'hui. Vous l'avez découvert en exclu sur Skyrock. Jules sera encore ce soir dans Planet Rap entre 20 et 21. À pas louper. Hein. Freestyle d'une demi-heure. Ouais, et juste à la fin de Joule, vous pourrez aller sur tous les réseaux de Skyrock, Facebook, le Skyrock FM, sur tous les réseaux. Difool.skyrock.com. Sur le difool.skyrock.com où il y a tout. Hein. Twitter, Instagram. Et vous pourrez mater la vidéo de Joule qui nous fait faire du scout hier soir à Romano et moi. Ah ouais, non, mais moi c'est fini, j'en ferai plus. Romano avait tellement peur, il a mis un casque. Moi j'ai pas eu le temps, j'avais mon casque de la radio. Je sais pas si c'est réglementaire. Hein. Non, mais moi c'est la sécurité, on m'a dit, vaut mieux que tu mettes un casque. Effectivement, on a bien fait parce que j'ai failli manger le trottoir avec. La vidéo juste après qu'on ait écouté Emotion sur Skyrock à 7h10. Le jeu des 1500 euros. C'est 1500 € cash à gagner si tu réponds Skyrock. Évidemment, n'oublie pas les 1500 €. J'ai l'enveloppe, elle est là, il y a de l'argent à l'intérieur. Et on ouvre cette enveloppe pour savoir où est-ce qu'on va gagner de l'argent. Eh bien, j'espère que ça va tomber ce matin à Angers, on est dans le 49. C'est parti chez les Debarge. Ça tombe bien pour nous. Charlotte Debarge. C'est parti, on y va, on l'appelle, on lui demande quelle est sa radio préférée. Quand on vous demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock, c'est 1500 € dans la poche. Ouais, tout simplement. Bonne chance Charlotte, bonne chance les Debarge. Et 5 sonneries maximum. Allô. Allô, allô. Allô. C'est allô. Bien, t'as répondu avant la 5e. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour Madame Debarge. Bonjour. Bonjour. C'est la radio, Charlotte, n'aie pas peur. On est en direct à la radio ce matin. On t'a tiré au sort, Charlotte, et on t'appelle pour t'offrir 1500 €. Ah, oh, trop bien. Ah, ça oui, trop bien. Ouais. Comprenez pourquoi on aime bien se lever le matin, nous, hein, quand on entend ça. Cool. Charlotte, quelle est ta radio préférée? Si tu as la bonne réponse, tu repars avec 1500 €. C'est Skyrock. Eh ben, c'est gagné. Eh ben, bravo, Charlotte. Bravo. 1500 € pour toi, Charlotte. Trop bien, c'est cool. Ça fait du bien de se réveiller avec d'abord ma voix au téléphone, j'imagine que ça doit être très sensuel. Ah, c'est très très bien. Oui, et puis bon, 1500 €, c'est encore plus sensuel, j'imagine. Hein. Je crois. C'est génial. Un beau gros chèque. Un beau gras chèque pour toi. Bravo Charlotte. Présente-toi un petit peu, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, tout ça? Bah, j'ai 29 ans, je suis en congé maternité. Très bien, bah, les 1500 € tombent bien alors. Ouais, c'est cool. C'est pour le bébé, c'est un garçon, une petite fille? C'est pour le bébé, c'est une petite fille. Une petite fille, elle arrive quand? Elle est déjà arrivée. Ah oui, t'es en congé maternité, d'accord. Et après la maternité. C'est bien. C'est ça. Tu t'occupes du petit bébé. Eh bien, écoute, c'est super. Ça. Tu vas pouvoir lui faire plein de cadeaux. Elle a quel âge? Elle a 5 mois. 5 mois, c'est tout petit. T'as bien dormi cette nuit? Très bien. Elle fait bien ses nuits? Oui. Peut-être t'as de la chance. Hein. Ouais. Ah bah avec les somnifères, ça marche. Ah oui, c'est vrai. Je l'entends pas. Eh bien, tu pourras en acheter plein des d'ailleurs, somnifères. D'ailleurs, elle dort depuis que je suis rentré de la maternité. Bon, tu fais une bise à ta petite chérie. Ça roule, merci. Et puis on t'envoie vite ton chèque de 1 500 € à la maison en Angers. Merci Charlotte, raccroche pas, un gros bisou à toi. Ça marche, merci. Salut Charlotte, et on commence dans moins d'une heure à 1 500 € à gagner. Vous répondez Skyrock quand on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée. C'est 1 500 € dans la poche direct. C'est ça. Allez. Le morning de Difool sur Skyrock. Comment les shows, les shows, les shows. Premier sur le cash. Et Jules tout de suite, le nouveau Emotion. C'est Jules sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Jules sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. D'être dans la lune puis sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bas que terre qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour eux stress j'y mets du mien. Je vous attends devant la mer. Trop souvent je me questionne. Les vrais, faut que je les raisonne. J'envoie des sons pour venisant la mort. Je me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Ne me laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je fais ce que je peux pour mes potos. Et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des sons. Partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Parano, parano. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide motion. Du mal à sortir mes émotions. C'est Jules sur Skyrock. Jules et Emotion, il était avec nous hier soir dans la Radio Libre. Ce soir, 20h-21h, à pas louper dans Planète Rap. Jules avec des sons inédits et même des sons qu'il a fait que pour Planète Rap. Eh bien, c'est ce soir. Ouais, c'est à pas louper. Et d'ailleurs, vous pouvez aller mater la vidéo de Jules avec les deux cascadeurs de l'équipe. T'as vu, Romano, quand même les autres, c'est des baltragues. Ah, non, mais Cédric, c'est un problème de poids par rapport aux autres. Ouais, oui, Cédric, toi, c'est pas ta faute, c'est vrai. Mais alors, les autres membres de l'équipe, il y en a deux qui sont montés sur le scooter de Jules hier. Évidemment, moi, avec mon courage légendaire. Évidemment. Il était tout blanc. Tel un chevalier, j'ai chevauché le scooter et j'ai risqué ma vie avec Jules et CY. Et Romano aussi, Romano, tu as été très courageux, un peu moins que moi, puis t'as mis le casque. Hein. Et puis Jules l'a dit en plus hier soir. Oui, non mais il l'a dit, excuse-moi, mais Jules est pilote moyen quand même. Moi, je Non mais t'as failli te casser la gueule. La vidéo, elle est la matée. Non, non mais attends, quand on a failli manger le trottoir et le pot de fleurs de la rue. Oui, oui, j'ai vu. Non mais un pot de fleurs, un truc géant, tu sais, des trucs qu'ils mettent dans les rues. Et pas qu'en faire. Ah ouais, j'ai un peu flippé à ce moment-là, ouais. La vidéo, vous pouvez la mater, elle est sur le difool.skyrock.com. Vous allez sur Facebook, Skyrock FM, le Twitter de Skyrock. Et puis évidemment sur Insta, c'est une petite vidéo. ouais. pour aller sur la grande. Vous allez mater ça. Elle hier, on vous l'a mise ce matin. Puis il y a toutes les autres vidéos d'hier soir. Joule était avec nous dans la Radio Libre. Ce soir, on sera en direct dans la Radio Libre. La semaine prochaine aussi en direct. Et pour la dernière du morning de cette saison, en direct ce matin, les conseils pas chers. Il faut que tu nous fasses un feu d'artifice de conseils pas chers qui déchire. Ah bah là, ça va être la folie. Je crois que c'est parti. Ah, bon alors, ce matin, c'est maintenant qu'on parle de contrefaçon. Ouais, c'est ça. On parle vacances et contrefaçon. Est-ce que vous avez déjà ramené des contrefaçons de vos vacances? Et bah là, j'ai des belles Adidas Made in China, mais qui n'ont pas été ramenées de l'étranger, qui ont été directement commandées en Chine par David du 60, qui nous envoie une photo de ces belles Adidas. Bah, écoute, elles ont l'air pas mal, hein. Ouais. Bon, après, faut voir en détail, mais. Moi, je suis peut-être un peu bizarre, mais plutôt que d'acheter du faux, je préfère acheter un truc où il n'y a pas de marque, par exemple. Ouais, moi aussi. Où on voit pas la marque. Eh bien, je vais te donner envie d'acheter du faux. Là, il y a un auditeur, je ne sais plus le pseudo, si ça a défilé beaucoup. Oui. Il y a beaucoup d'amateurs de faux, d'après ce que stop, tiens, il est là. Ah, hier. Ah, c'est Baudin. Salut moi, Baudin, j'ai... c'est Louis ? Non, c'est non, c'est pas lui. Il n'y a pas le prénom. Moi, j'ai un ami qui a acheté un maillot en contrefaçon et il a chopé une maladie de la peau à cause de ce maillot. Oh. Voilà, bah écoutez, c'est pour ça que je préfère acheter des trucs sans marque plutôt que des contrefaçons. Non, mais souvent, il y a des trucs dangereux. Bah ouais, ouais. Bah, en tout cas, bon, a priori, vous êtes un paquet à avoir ramené des trucs. Là, il y avait un voyage scolaire aussi en Espagne. Ils sont tous revenus habillés qu'avec du faux. C'est-à-dire relooking extrême et ils sont tous revenus t-shirt, short, basket, tout était faux. C'était à l'île Maurice. Envoyez-nous les trucs faux là que vous. Non, c'est un autre message, ça. C'est ah. Envoyez-nous les trucs faux que vous avez achetés. Tiens, il y a Baptiston, lui, il a acheté des Air Max. Ouais, des Air Max. Marlou 77. Moi, j'ai acheté un sac Longchamp en Turquie, très bien imité. Voilà, sauf que Longchamp s'écrit L O N C H A. Ouais, bon, ça, des fois, ils font des fautes d'orthographe. Ouais. Oui, c'est vrai. Les objets les plus contrefaits, c'est quoi? Les objets les plus contrefaits. Bien, bonne question, Difool. Moi, je dirais les sacs. Non, moi, je sais. En un, c'est les chaussures. Non, c'est un autre truc. Un truc auquel vous vous attendez pas. Ah ouais, un truc que tout le monde peut utiliser. À un moment donné. Surtout moi, je pensais à ma tendinite. Ouais, alors qu'est-ce que ça peut être? Tendinite, Difool? Un bras? Non, c'est pas la montre, Rémi, non, pas du tout. Les t-shirts? T-shirt non plus, non. Tendinite? Une épaulière? Ouais, une épaule. Et, c'est les épaules. Le mais truc. Non, c'est les médicaments. Ah, L'objet le plus contrefait, c'est pas les fringues, c'est pas tout ça, c'est les médocs. Ah bon, ouais. Les fringues, vous étiez pas loin, c'est deuxième. Oui. Ensuite, les accessoires de mode, les chaussures, les jouets et articles de sport, les téléphones mobiles, les produits alimentaires, les... en fait tout. Produits de soins corporels, équipements électriques. C'est bien, ça t'achète une prise contrefaite, tu te tapes un courju chez toi, ça fait Claude François. Voilà, t'es content d'avoir acheté. Faites attention avec les trucs contrefaits, on ne sait jamais. Hein. Et le truc qui arrive en dernier, c'est CD, DVD, logiciel également contrefait. Eh bien, ce matin, je suis le douanier Romano. Ah, tu es douanier Romano ce matin. Et j'interviens chez les familles, on m'a informé qu'il y avait a priori des contrefaçons qui étaient possédées par les familles qu'on va appeler. Je suis obligé de venir faire une perquisition, de verbaliser. Et c'est interdit par la loi. Il y a tous ceux qui nous disaient, Romano, il va vendre des contrefaçons, mort de rire. Pas du tout. Ce matin, c'est encore pire. Il est douanier. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Allez, on va pas donc appeler des gens et tu les prunes, tu fais quoi? Ou tu récupères les objets? Bah déjà je récupère les objets, perquisition plus amende. Wow. Magnifique. Ah, il y a Wiley qui a acheté des Adidas qui s'allument. Fais attention de ne pas t'électrocuter aussi si c'est des contrefaçons. Fais non gaffe, mais ça a eu des problèmes, il y en a qui ont pris feu. Hein. Bah oui je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Merci à toi Wiley. Alors on appelle, c'est parti Cédric. On tape dans toute la France, tout le monde a acheté du faux, hein, d'après ce que je vois. Au moins une fois, je pense. Et même peut-être sans le vouloir parfois c'est aussi. C'est vrai. Hein. Alors, ça sonne. Est-ce que oui, ça va répondre. Alors Cédric. Ça sonne. Si ce serait toi Cédric, j'en essaierais peut-être un autre. Ah c'est ce que je fais, t'inquiète. Ah ouais. Mais ouais, bien bonne joué. Bonne idée. Eh oui. Allô. Allô, allô. Allô Bernard. Oui, Bernard, répondez s'il vous plaît, hein. Allô. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, douanier Romano à l'appareil. Je vous appelais, vous êtes Bernard? Non, je suis son fils, c'est Sylvain. Ah, c'est Sylvain. Excusez-moi de vous déranger parce qu'en fait, je vous explique, on a signalé au service des douanes que vous possédiez des contrefaçons à la maison. N'importe quoi. Là, ah non, bah ouais. Écoutez, moi, il faut que je vienne vérifier, hein, je vous le dis direct. C'est des conneries que vous racontez là. Hein. Ah non, bah, je suis le douanier, j'ai mon képi. Non, c'est ça. Si, là, je vous l'assure. C'est vraiment des heures à nous téléphoner à 7h30 du matin, non? Ah bah, 7h30 du matin, monsieur, il y en a qui travaillent, moi je suis douanier, parce qu'à partir de 8h, je suis à l'apéro, donc... D'abord, il est 7h20, donc. Déjà, ouais. Ça sera peut-être pas la radio, là, non, des fois. Ah, non, monsieur. Ah, il y a la radio, là. Pff, attention, là, douanier, a priori, un individu récalcitrant est obligé de lui faire une maîtrise au sol. C'est ça. Ah ouais, c'est bien d'embaucher la plaisanterie ce matin, ça met bien de bonne humeur. Les douanes, on s'est rigolé aussi. Eh bien oui, vous faites arrêter par les douaniers le matin et ça vous met de bonne humeur, c'est une bonne nouvelle. Ah, Sylvain. Ça dégoûte, le mec il te vide ta bagnole, il te la démonte. Sylvain, t'as pas énergie là, non? Non. Non, non. C'est quoi comme radio que vous Ah, c'est la radio des douanes. Ouais, c'est ça, c'est douane ça. FM. Douane FM. Oui, attention ça. À tous les douaniers, Sylvain est un escroc. Ouais, c'est ça. C'est plein de marrant. J'en rigole. On arrive à votre domicile, on va prendre l'apéro. Bah, c'est bien, vous pouvez venir. Ah, ben, je viens et je fouille la baraque. Ça, c'est gentil. Tu sais comment t'y prendre avec les douaniers, ouais. Toi. Ah, tu sais comment m'acheter et me faire plaisir. Un petit apéro. Serre-moi un petit cocktail. Ah bah c'est bien. Allez, Mister Cocktail, en route. Voilà, je te présente Mister Douanier, Mister Cocktail, Sylvain est là aussi. Merci. Bon bah Sylvain, je suis là dans 5-10 minutes. Oh, c'est comme vous voulez, monsieur. Ah bah c'est nickel, c'est parfait, j'arrive. Super. Et bah voilà, sympa merci. Comme tout. La douane française te remercie. Et Douane FM aussi. Ah bah bien évidemment. Sûr. Salut Sylvain. À bientôt pas... Sylvain. C'est pas Manu sur énervé, les fois. Non, c'est pas lui. Non, je connais. Tu connais, mais c'est toujours pas eux. Non, c'est toujours pas eux. Non, c'était pas non plus Jean-Marc Morandini d'Europe 1. Non, c'était pas non plus Philippe Bouvard de RTL. Non, non plus. Non, c'était pas ça. À bientôt. À bientôt. Bah, je suis là dans 5 minutes. Hein. Oh, c'était Skyrock, Sylvain. On te souhaite une bonne journée. Ah, d'accord, merci. Eh bah, bisous, Sylvain. Salut, ciao. Allez, ciao, Sylvain. Bah, oui, il est content. Bah. Toi, tu dis Skyrock, tout de suite, les gens sourient. Ah, ouais. C'est sympa. 7h22 sur Skyrock. Dans un temps, on va jouer. Et avec l'info mytho du jour. Ouais. Vos télés à gagner, la Samsung à choper sur Sky. Préparez-vous, c'est juste après Michael Jackson et Justin Timberlake. On écoute Love Never Felt So Good. So good, c'était Michael Jackson et Justin Timberlake pour ce gros morceau à 7h25. Et à 7h25, on va jouer à Info Mytho. C'est l'heure de gagner votre télé, la télé Samsung. 101 cm, le dernier modèle Ultra HD 4K. Ah oui, c'est la toute dernière télé Samsung qu'on va vous filer ce matin. Et on va vous parler d'une info que je vous donne tout de suite. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. C'est la question de sélection. Et après, vous jouerez avec deux des membres de l'équipe pour choper votre télé. Attention. Nous allons parler de quelque chose qui s'est passé du côté du Tarn. T'as un père de famille qui a décidé de déboucher ses toilettes. Les toilettes étaient bouchées. C'est bien. Bon, il met du desktop, un produit normal. Ça ne marche pas. Après, le mec va sur Internet et décide d'utiliser une autre méthode, de l'acide chlorhydrique, pour déboucher ses toilettes. Ça a été une mauvaise idée. Ah. Oui, le truc s'est mis à mousser. Réaction chimique. Oh là là. Une mousse nauséabonde commence à envahir les toilettes. Et après, le mec tombe dans les pommes, accommodé par l'odeur, il a dû être transporté à l'hôpital. Ah ouais, c'est voilà. C'est à cause d'un débouchage de chiottes. Il faut faire attention quand on a des toilettes qui sont bouchées, et il faut faire attention, surtout quand on va voir sur le net des petites méthodes de grand-mère. Ça peut être dangereux. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si c'est vrai, vous envoyez info. Si c'est faux, vous envoyez mytho. C'est la question qu'on vous pose maintenant. Et je vous donne mon top officiel, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on prend vos messages au 41 759.

Un père de famille s'est retrouvé à l'hôpital. Il avait un problème de toilette, il a voulu déboucher les toilettes. Du desktop, il en met blablabla, ça marche pas. Là, il va voir sur le net et il voit une recette avec de l'acide chlorhydrique. Attention, c'est pas très bon. Il met l'acide chlorhydrique dans les toilettes. À partir de ce moment-là, une petite mousse. Réaction chimique. Une grosse mousse. Après, des effluves. Bam, le mec tombe par terre, il se retrouve à l'hôpital et ses chiottes sont toujours bouchées. Il a fait une soirée mousse dans ses chiottes. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Info ou mytho, Benoît? Ben, c'est une info. C'est une info, tu es donc qualifié pour info ou mytho. On joue maintenant pour la télé Samsung. Info, mytho, mytho, mytho, mytho. Qui dit vrai, qui dit faux? Eh ouais, vos télé, la toute dernière à gagner tous les matins, c'est dans le morning. Et je me retourne vers Romano, écoute bien son info à lui. Alors, c'est Elias, un usager de la SNCF. Bonjour Elias. qui prend le train et il a découvert en fait une faille dans l'application SNCF sur les smartphones. Oui. Pour se faire rembourser le billet de train alors que t'as déjà pris le train ou alors que t'as raté ton train. Normalement maintenant tu peux plus te faire rembourser ou tu perds de l'argent. Ça m'étonne pas que t'aies choisi ça toi. Non, mais... Donc le mec escroquait la SNCF, il faisait des voyages et il se faisait rembourser les billets. Oui, en fait il a découvert par hasard. Donc il a testé une fois, il était dans le train, il regarde sur l'appli, il voit qu'il peut encore se faire rembourser son billet, il se dit ça marche, cool. Il en fait profiter une copine qui fait la même chose et il se dit sympa, je vais prévenir la SNCF, ils vont me donner un cadeau. Effectivement, la SNCF lui a envoyé un colis avec des cadeaux. Il a reçu des goodies. Le mec est dégoûté. En ah, grave. Que... Ça il croyait avoir des voyages gratos et tout ça. Et en fait, il a reçu des goodies SNCF. Et ben, c'est super. Ça montre et ça paye d'être honnête. Info ou mytho? Info, mytho. C'est l'info de Romano. Écoute celle de Karim maintenant, Benoît. Et oui, moi, je vais vous parler d'un tremblement de terre sur le net. Ah oui, gros tremblement de terre hier. Le site YouPorn a eu un bug. Pendant plus d'une heure, il était hors service. Donc, ça a créé la polémique. Hein. Tous les internautes étaient frustrés, ne plus savant quoi faire de leurs mains. Oui. Et du reste, oui. Info ou mytho? Alors le bug de YouPorn pendant une heure, ou alors le gars qui a voulu être honnête avec la SNCF qui a reçu des goodies. Qui dit vrai, qui dit faux? Benoît. Moi je dirais plutôt, je pense, Romano info. Oui. Et Samy non c'est pas Samy, c'est Karim. Bidule. Karim mytho, Romano info. Oui, je le sais parce que moi j'ai passé 24 heures sur YouPorn hier et ça a très bien fonctionné. Donc en effet, c'est un mytho Karim, une info Romano, t'as gagné. Bravo, bravo. Oui. L'écran Samsung est merci. Toi. Merci. Et voilà, la toute dernière télé Samsung, elle est pour toi. Bravo Benoît, on va t'envoyer ça. Ça fait plaisir. Bah ouais, ça fait super longtemps que je vous écoute en plus, le soir et le matin en fait. Depuis. Bah, t'es super Benoît, tu mérites d'être récompensé. Tu vas recevoir un gros colis. Une grosse télé à la maison pour ma télé, les matchs de l'Euro. Oh, merci. Qu'est-ce qui s'est passé sur YouPorn hier? Non, c'est pas YouPorn. En fait, c'est YouTube qui a eu une galère et pendant à peu près une heure, c'est aux alentours de 13h hier, impossible de se connecter. Mais YouPorn fonctionnait. YouPorn, ça allait bien. L'essentiel est préservé. L'essentiel est préservé. Tu pourras regarder des films en grand. Hein. Tu vas t'éclater comme un fou, Benoît. Ah, bah ouais. Tu vas avoir des sexes de 101 cm. Ah ouais, en géant, ça va être la folie. Salut Benoît, bonne journée à toi. Ciao Benoît. Il est déjà 7h34. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Salut. J'ai jeté un œil sur la pendule. 7h34, c'est largement l'heure de retrouver Rémi. L'heure de faire le point sur l'actu tout de suite sur Sky. On va démarrer par la météo pour aujourd'hui, vendredi. Et encore une journée estivale sur une majeure partie du pays. Les orages d'hier à l'ouest se déplacent par contre de la Loire jusqu'aux Ardennes. 4 départements en alerte orange ce matin. La Charente, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Gironde. Partout ailleurs, eh bien, le ciel est dégagé. Demain samedi, alternance de nuages et d'éclaircies avec quelques gouttes de pluie de la Bretagne aux frontières du Nord et sur une large façade Est. Dimanche, ça ira mieux avec un temps estival sur le pourtour méditerranéen. Les températures ce matin comprises dans le Nord entre 12 et 19 degrés. 18 à Lille, 19 à Paris, de 18 à 22 dans le Sud, 18 à Lyon et 21 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 19 à Saint-Brieuc, 21 à Alençon, 23 à Orléans et à Lille, 24 à Paris, 25 à Reims, 27 à Clermont-Ferrand, 28 à Marseille, 30 à Perpignan, 32 à Mâcon, 33 à Lyon. La pollution, c'est mauvais. Les indices compris entre 4 et 6. 6 à Lyon, Montpellier, Toulon, Nîmes, Marseille, Nancy et Angers. Et toute l'actu, tout le sport, c'est parti sur Sky. Les bourses qui s'affolent ce matin, la monnaie britannique, le livre sterling, est au plus bas depuis 1985, conséquence du Brexit adopté par le Royaume-Uni. La démocratie a parlé, le dépouillement est toujours en cours, mais le doute n'est plus permis. Nos voisins outre-Manche quittent l'Europe. Le out serait crédité à plus de 52%, c'est une véritable tempête. François Hollande s'exprimera ce matin à 9h. Le FN affirme que les Britanniques ont pris la bonne décision. Et Marie Marine Le Pen demande un référendum en France, tout comme le parti d'extrême droite aux Pays-Bas. Les deux boîtes noires de l'avion d'Égypte renvoyées en France, les enregistreurs sont trop abîmés et ce sont donc les experts français qui vont devoir en extraire les informations. L'appareil s'est crashé en mer il y a un mois avec 66 passagers et membres d'équipage. Il devait rallier Paris au Caire. Le verdict attendu aujourd'hui au procès de Fabienne Cabou, les jurés de la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais risquent bien de délibérer pendant plusieurs heures. Affaire extrêmement difficile au vu de la personnalité de l'accusée. Elle est jugée pour avoir laissé sa fille se noyer pendant une marée montante. Une prévenue très intelligente mais malade qui souffre de paranoïa selon les psychiatres. Elle a évoqué à plusieurs reprises la sorcellerie pour expliquer son geste. Dans les faits, elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Une fillette de 3 ans battue à mort dans la Drôme. Elle est décédée des suites d'une hémorragie interne à Valence. Son beau-père est clairement soupçonné. Des hématomes ont été découverts sur tout le corps de la petite victime. Le beau-père a reconnu les violences au cours de sa garde à vue. Il serait fiché S pour islamisme radical. La mère va être poursuivie pour non-dénonciation de mauvais traitements. Ouais, on va parler sport maintenant et l'Euro. La France et l'Irlande se préparent et puis rugby avec le top 14. Ouais, l'affiche est très attendue. L'erreur n'est pas permise. 8e de finale prévue dimanche à 15h du côté de Lyon entre la France et l'Irlande. Les Bleus arrivent dans la capitale des Gaules ce soir après un nouvel entraînement à Clairefontaine. Les Irlandais qui ont bien évidemment tous en tête la main de Thierry Henry en 2009 qui avait permis à la France de se qualifier pour la Coupe du Monde. Du côté des joueurs irlandais, eh bien on se dit plein de confiance et on pense sincèrement que cette équipe de France est loin d'être insurmontable, imbattable. Les hommes de O'Neill entendent bien surfer sur le succès 1-0 obtenu mercredi contre l'Italie. Du rugby, un rendez-vous annuel attendu par les fans. On saura ce soir qui va soulever le bouclier de Brennus version 2016, finale du top 14 entre le Racing 92 et Toulon. Match à suivre dans l'antre du Barça au Camp Nou en Espagne donc à 20h45. Merci Rémi pour les infos. Il est 7h37 sur Skyrock. Le prochain rendez-vous avec toi, c'est dans une demi-heure. Yep. Jusqu'à 9h, c'est reparti pour le Morning de Difool. Come on, show. En direct sur Skyrock. Et ouais, dans une demi-heure, on vous offrira aussi 1 500 €. C'est tombé tout à l'heure. On était à Angers. Charlotte, la belle Charlotte avec sa belle voix au réveil. Et bien, elle a gagné 1 500 €. Elle a répondu Skyrock. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Et bien, on vous souhaite bonne chance d'avance. Dans une heure, je vous annonce les pronostics officiels de Skyrock pour cet Euro 2016. Est-ce que la France va gagner contre l'Irlande? Est-ce qu'on va se qualifier en quart de finale? Le match, c'est dimanche après-midi. Suspense. Et les résultats du match, c'est ce matin sur Skyrock. En exclu, rien que pour nous, on saura avant tout le monde. Ne dites rien. Hein. Non. Gardez le score secret. Ne spoilez pas le match de dimanche. On aura d'ailleurs pour pronostiquer tout ça la chatte de Marie du soir de la Radio Libre. Eh ouais. Marie qui va venir nous voir ce matin. T'es contente, Carion? Ah ouais, avec Kawa. Voilà, vous allez vous faire un petit apéro au réveil. c'est quand même les deux spécialistes de l'apéro. Il est un peu tôt quand même. Tu trouves? Un petit peu. Mais dans une heure, on sait jamais. Dans une heure, ça ira. Sur les coups de 8 heures, ça sera bon. Hein. Ouais. Donc, la chatte de Marie a pronostiqué l'Euro. Et dans un instant, allez, je vous l'annonce, on vous offre vos places pour l'Euro. La finale à gagner. C'est parti avant 8h du matin. Vous gagnez votre finale. Bon, Manon, tu ferais quoi pour la finale? T'amènerais qui? T'amènerais moi, Cédric? Bah non, j'irais avec Carriole. et pourquoi pas nous? Bah ouais, vous êtes pas ma meuf. En fait, il irait même pas, je suis sûr qu'il les revendrait les places. Juste devant la. Ouais, possible, ouais. J'en ai sûr. Bien cher. Donc, Ariel, t'y vas même pas non plus. Hein. Non. Finale de l'Euro à gagner, les places Crédit Agricole, on vous les offre juste après le son de Rihanna. Tiens, puisqu'on parle de places, Rihanna, on aura aussi vos places de concert tout à l'heure avant 9h. Ouais. On va vous gâter pour la dernière du morning. Et on fait un petit zap sur le morning de l'année, là. D'ici 8h, c'est pour vous, c'est sur Sky, il est 7h39. Tous les matins. Morning Show. Hi, this is Rihanna, and I'm on Skyrock. Le morning de Difool, 6h-9h sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Rihanna, This is what you came for avec Calvin Harris. Et les places pour Rihanna avant 9h. Les places de foot, c'est maintenant, c'est tout de suite sur Skyrock. Attention, attention, préparez-vous, préparez vos téléphones. Les numéros pour nous joindre, 41 759, avec vos portables. Laissez bien vos numéros de téléphone si vous trouvez la bonne réponse. Je vous pose la question dans quelques secondes. Vous avez l'appli Skyrock pour nous laisser vos réponses aussi. Voici vos places de foot à gagner pour l'Euro. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Et oui, la finale de l'Euro a gagné les places Crédit Agricole. Le Crédit Agricole vous file vos places sur Skyrock tous les matins dans le morning. Les places pour la finale maintenant. La finale avec les Bleus, bien sûr. Avec les Bleus, bien sûr. On espère. On espère, oui. On va jouer à l'équipe mystère. On va écouter un joueur d'une équipe de foot. Je vais vous le faire écouter. C'est lequel que vous préférez en interview? Ouais, vous voyez, Franck Ribéry me manque. Ah ouais. Le dis, sur le terrain, bon, ça va, on se démerde pas trop mal. Mais je trouve qu'il manque en interview, Franck Ribéry. Ah ouais, ça manque de blagues. Oui, c'est vrai, ça manque de blagues, tout ça. Ils sont sérieux, nos Bleus. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Qui c'est que tu préfères en interview, Romano? Bah, à vrai dire, je les ai pas trop vus. Mais ils parlent pas trop, hein, ces derniers temps. C'est vrai, il joue, il se concentre. Ah, sur le terrain. Mieux, à la limite, on s'en fout qu'il parle. Non, le mieux, c'est Deschamps. Qui marque des buts, quoi. C'est vrai que pour l'instant, le mieux, c'est Didier Deschamps. Le collectif. Oui. La technique. Avant 9h, on retrouvera peut-être Didier Deschamps dans un réveil de star. Ah, oui. Cool. Bon, on va pas parler de Didier Deschamps, on va parler d'une équipe mystère et d'un joueur mystère, en fait. Il faut nous dire dans quelle équipe il joue, ce joueur. Il répond à des journalistes, il répond à une interview. Voici donc la petite interview du joueur de l'équipe mystère. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, et je m'en bats les couilles. Voilà. Alors, je ne sais pas, et je m'en bats les couilles. Au moins, il a le mérite d'être franc, le joueur. Voilà. Dans quelle équipe il joue? Allez, top. Vous envoyez vos réponses maintenant, 41759, appli Skyrock. Et on vous retrouve dans un instant. Je vous refais écouter le petit extrait qui, quand même, j'imagine la gueule du journaliste en face. D'ailleurs, c'est clair. D'ailleurs, je l'ai vu, le journaliste. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, et je m'en bats les couilles. Voilà. Tout simplement. Ah ouais. Je m'en bats les couilles, hein, que c'est comme ça. Hein. Oui, tu t'en bats les couilles, toi. Bah ouais, complètement. Pourriture, va, on s'en bat les couilles de ta question, espèce de journaliste de merde. C'est un petit indice, là, l'accent, non? Ouais, un petit peu, ouais. C'est un petit indice, l'accent? Ouais, vraiment légèrement. Léger, ouais. Que je m'en bats les couilles, d'ailleurs, hein, que ce soit un indice ou pas. Je vous le dis, franchement, ce matin. Bats les couilles. Oui, que je te le dis à toi, là. Toi, t'es tout chauve, je te dis, je m'en bats les couilles. Ouais, vas-y, calme, le footballeur. Voilà, que c'est comme ça que ça se passe, hein. Je t'envoie Cédric, tu feras moi le malin. Oh, qu'il est vilain. Ah oui, ouais, pourtant, c'est ta compatriote. Hein. Chut. Oui, bah, Romano, ça suffit de donner les réponses aux joueurs comme ça avant qu'on ait la réponse en direct. Ne spoil pas mon jeu. Ah, mais là, je crois que c'est mort. Là. Bon, bah, c'est pas bon pour tout le monde en tout cas. Ah, ouais. Quel est le premier ou qui sera le premier ou la première? Vos places de foot à gagner la finale de l'Euro. C'est maintenant, c'est sur Skyrock et dans un instant, l'horoscope de l'amour et le zap pour le dernier morning de l'année. Le zap de cette année 2015-2016. Oui, la saison 2015-2016. Bien dit, Romano, c'est bien. Il est 7h45 et l'horoscope dans une minute. C'est doré de platine, écoute mon sang. Doré de platine présente Joule. Découvrez Émotion, le tout nouvel album de Joule. Joule, Émotion, disponible dès maintenant et en streaming uniquement sur Apple Music. Si le canapé je le mettais plutôt ici et la table comme ça, du coup l'étagère je la mettrais là et la lampe ici. Voilà, il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez Ikea. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. Ikea. Dans la limite des stocks disponibles. Intermarché s'engage. Les cerises d'origine France, les moins chères de France, sont à 3,99€ le kilo. Mais c'est jusqu'à dimanche, quand Intermarché défend les prix, c'est vous le grand vainqueur. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 26+, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. 7h46, l'horoscope de l'amour, c'est parti sur Sky. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Oui, votre horoscope et les poissons et les versos, vous êtes à la une de l'horoscope de l'amour. Vous avez 5 sur 5, meilleure puissance amoureuse du jour. Au top niveau. C'est pour vous, au top niveau. Aujourd'hui, vous ne craignez rien, vous vous adaptez à toutes les situations. Vous serez un peu les caméléons et les caméléons. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, les filles, vous avez bien le droit d'avoir caméléons. Ouais. De l'amour aujourd'hui, caméléons, caméléons de l'amour, les poissons, les versos. Capricorne et scorpion, vous avez 4 sur 5. Vous savez comment faire passer vos envies aux autres. Ça tombe bien, ils seront très réceptifs à tout ce que vous voulez. Foncez, les capricornes et scorpions, un beau 4. 3 sur 5, c'est bien pour les cancers, c'est bien pour les taureaux. Vos relations sentimentales vont évoluer positivement aujourd'hui. 2 sur 5, les vierges et les béliers. Au travail, ou en amour, c'est une journée où il faudra négocier aujourd'hui pour obtenir ce que vous voulez. Bonne négo, les vierges, les béliers, 2 sur 5, 1 sur 5, les balances et les sagittaires. Vous êtes un petit peu trop mystérieux aujourd'hui. Et plus que de les intriguer, ça va les saouler un petit peu. Dites ce que vous ressentez, franchement. Et ça passera mieux. C'est le petit conseil pour les balances et les sagittaires. Et on finit avec les lions et les gémeaux. Vous prenez un petit peu trop la tête pour rien aujourd'hui. Ça risque de vous bloquer dans votre vie amoureuse. Libérez-vous. Oh. Libérez. Les lions et les gémeaux. Et le réveil de Star arrive dans un instant. Puis la réponse à la question que je vous ai posée, c'est un joueur de quelle équipe qui a dit ça? Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Que je m'en bats les couilles. Hein. Complètement. Qu'on vous dit tout sur cette interview, hein, que je m'en bats les couilles et toi? Ah ouais, aussi. Hein. On s'en bat tous les couilles. Allez, c'est parti, les 7h40. The Morning Show. It's been Harmony. The Morning Show on Skyrock. I don't worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture. I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need. But you gotta go to work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. I'm gon' choose, she finesse. I fight boom, she take that. Putting overtime on your body. Work for Mom sur Skyrock, les Fifth Harmony et vos places de foot à gagner. On a Clément en direct de Nantes avec nous. Salut Clément. Salut toute l'équipe. Ouais. Salut ouais. Clem. Salut Clément. Ah, ça fait plaisir de vous avoir. Eh ben c'est gentil. Depuis le temps que j'essaye de jouer à tous les jeux là, ça fait vraiment plaisir de vous avoir. T'es pas tombé sur le pire des jeux ce matin quand même. Les places de l'Euro à gagner. Alors, la petite question que je vous ai posée, vous avez écouté la petite interview, un joueur de quelle équipe a été interviewé? C'est la question que je vous posais il y a un instant, mais je la posais en français il y a un instant. Oui. Écoutez bien. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Bah oui, que je m'en bats les couilles. Alors, un joueur De la Belgique, Kevin De Bruyne. Ben oui, c'est lui, Kevin De Bruyne, joueur belge. Ben oui, que je m'en bats les couilles, espèce de journaliste de merde. Ah, et que tu fermes ta gueule. Oui, c'est parce que la Belgique avait été critiquée après son premier match par les journalistes. Comme d'habitude, les journalistes sont jamais contents au départ. Eh bien, tu as gagné tes places de foot. Merci l'équipe. Les places place pour l'euro. Vous déchirez, je vous écoute tous les matins en allant au boulot. Là, je suis en retard pour aller au boulot, mais franchement, t'as tes deux là, places. Je peux pas mieux commencer la journée. Ah, il s'arrête plus le truc. Oui, j'entends Romano, ta compte de brume ne s'arrête plus. C'est de la bonne qualité, une fois de plus. Voilà, du bon matériel. C'est énorme, merci l'équipe. Donc, tu seras pour la finale de l'euro au Stade de France avec Skyrock et le Crédit Agricole. Les places, elles sont pour toi. Bravo Clément, fais une bise et puis bah, reste dans le coin, parle-nous de l'euro. Hein. Tu nous passes un coup de fil quand t'auras vu le match. Ouais, bah, j'essaierai de vous appeler pendant la finale. Eh bah, profite bien, salut Clément, bravo énorme. À merci toi. Merci l'équipe, merci. Ciao vraiment, Clément. Merci, ciao. Ciao. Tu aimes bien le nouveau commentateur de TF1, l'ancien de Canal, tu sais, Grégoire Marc Gouton. Ah, c'est sûr que c'est mieux que Christian Jean-Pierre. Hein. C'est sûr. Big up à Christian Jean-Pierre qui nous écoutait. Salut Cricri, qui ne nous écoutera plus. Grégoire Bargoton, le commentateur des matchs de TF1, il est là. Bonjour. Bonjour Grégoire. Bonjour, c'est Grégoire Bargoton. Salut Grégoire Bargoton. Salut monsieur Bargoton. Il est content d'être là, j'ai vu. Ah, là, ça se sent à sa voix. J'étais très ému pour tout dire. Ah, bah, ça m'étonne pas, ouais. Bon, c'est le réveil de star, c'est parti. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Alors, qu'est-ce que ça va donner le réveil de star de Grégoire Bargoton, son premier réveil de star? Ah, ben on va écouter ça. Avec la famille de Gilles. Gilles, Grégoire Bargoton. Allez, Gilou. C'est parti. Allez, Gilou, allez, les bleus. Allez, les bleus. Ouais. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis disponible. Bon, alors, c'est qui, là? C'est Grégoire Bargoton. Grégoire Bargoton. Bon, je connais pas. Ah, journaliste sportif. Non, je vois pas qui c'est. Il est de commenter les matchs de l'équipe de France et les principaux matchs de l'Euro avec Bichent Lizarazu. Ouais, enfin moi j'ai le foot, c'est pas trop mon truc. Ah oui. Non, c'est pas trop mon truc, mon fils oui, mais pas moi. Jamais un Euro avait rassemblé autant de monde. Oui, bah enfin, qu'est-ce que tu veux, hein? Il ferait mieux d'aller dans la rue défiler. Hein. C'est pas à moi de me poser ces questions-là. Mais contre la loi du travail. Ah. L'emploi du temps, c'est pratiquement un match tous les jours avec Bichente et Lizarazu. Il bosse. Mais laisse. Bon, ma femme, elle aime ta voix. Ah. Avec mes pastilles pour la gorge. Pastilles pour la gorge. C'est pastilles pour la gorge. Mais. On est dans l'empathie naturellement avec les bleus. Ouais, tiens, je te passe quelqu'un qui adore le foot, il va te répondre. Ah oui. Ouais. Tiens, vas-y. Allô? Bonjour. Ça va? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Gilles, lorsqu'un défenseur touche le ballon avec la main dans sa surface de réparation? Bah, il y a pénalty. Bien joué. C'est évidemment interdit et l'arbitre accorde un pénalty. Bravo. Bah, c'est au. Je crois que c'est 9 mètres du but, un truc du genre. L'attaquant va poser donc le ballon sur ce petit point qui est situé exactement à 11 mètres du gardien et de la ligne de but. Ouais, 11 mètres. Vous me direz 11 mètres, c'est pas loin, ça doit être facile de frapper un pénalty. Bah oui, c'est facile. Mais ben c'est pas si simple finalement de réussir un pénalty. Mais oui, Grégoire. Ah si, je suis footballeur donc c'est simple, ouais. Ouais. On va essayer de faire très très simple encore une fois. Mais arrête, il va nous hacker le téléphone. Non. Merci d'avoir appelé, mais on va pas hacker le téléphone. Vous avez compris, hein. C'est mieux de commencer et d'être accueilli de cette façon. Exactement, ne hâte pas le téléphone. Vous avez eu une petite leçon de football avec Grégoire Bargoton. Je comprends que certains le préfèrent Christian Jean-Pierre parce que là, il y a de la technique, tout ah, ça. Ouais. Pour un pénalty, on pose la balle sur le petit point blanc. Oui. Le petit point blanc qui est là. Situé à 11 mètres. Exactement. Tu savais que c'était à 11 mètres? Bah, évidemment. Eh ben, ah, bah ouais. Ah, je suis quand même premier sur le foot grâce à toi, du foot. C'est vrai, Cédric, tu savais que c'était à 11 mètres? Non. Eh ben voilà, t'auras appris un truc ce matin. Moi, j'ai des points noirs, moi. Non, eh ben, c'est un petit point blanc. On pose le ballon dessus pour le pénalty. J'en ai déjà eu aussi. Bon, allez les bleus, tout à l'heure les pronostics de l'Euro avec la chatte de la Marie du soir. Oui, chaque match de l'Euro des bleus est pronostiqué par un animal sur Skyrock. Ouais. Après même être le chien, côte la poule. Après Blatard le cafard. Ouais. Eh bien c'est le retour de la chatte de Marie, Kawa, pour les pronostics de tout à l'heure. On se fait un zap de l'année dans un instant, préparez-vous. Et on vous offre 1 500 € aussi sur Sky. Il est 7h56, bon morning avec nous, profitez bien. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl là. Et quoi encore? T'as pas la pêche? Ah c'est ça, par contre ici ils ont la nectarine hein. Je dois rigoler peut-être là. Oh non désolé mais quand aujourd'hui et demain ils nous font la barquette d'un kilo de nectarine origine France à 1,69€, le moral en prend un coup. 1,69€ la barquette d'un kilo de nectarine?

chanson. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Il est 8h02, dernier morning de cette saison 2015-2016. Tiens, dans un instant, un petit zap rapide pour montrer tout ce qui peut se passer dans le morning. Vous verrez que Skyrock est vraiment la radio de la paix, de la culture, de l'amour et des gens sympas. Tout ça pour vous, juste après les infos de Rémi. Vos 1 500 € aussi, c'est tombé chez Charlotte. Tout à l'heure, on était à Angers. Bravo Charlotte, on fait encore un gros bisou à toi et ta petite chérie aussi. 1 500 € qui sont tombés, il suffit de répondre Skyrock quand on vous demande quelle est votre radio préférée. Ça arrive juste après les infos et les conseils pas chers à 8h10, Romano. On va parler piratage, webcam, internet. Attention. Si vous avez, même le téléphone, tout peut se pirater maintenant. Ah bah ouais, par exemple, vous regardez votre téléphone et il y a quelqu'un qui est en train de vous regarder avec la caméra que vous avez dessus. Oui, coucou. Oui, je te regarde. Oui, je te regarde. Oui, coucou. Je te regarde. Et toi tout nu. Ouais, vas-y. Allez. 8h03, les infos, c'est parti Rémi. Le temps du jour, le point sur l'actu, c'est parti. On démarre donc avec la météo. Ouais, bah une nouvelle journée estivale qui va commencer, là, qui commence sur une majeure partie du pays. Bon, on a toujours des orages, hein. Ils étaient hier dans le nord-est, ils sont descendus jusqu'à la Loire et puis là, ça va remonter jusqu'aux Ardennes aujourd'hui. Du coup, on a 4 départements ce matin en vigilance orange, la Charente, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Gironde. Partout ailleurs, ciel bien dégagé. Demain, samedi, votre week-end avec alternance de nuages et d'éclaircies, quelques gouttes de pluie de la Bretagne aux frontières du nord et sur une large façade est. Et ça ira mieux dimanche avec un temps estival, surtout si vous êtes autour de la Méditerranée. Les températures ce matin, 12 degrés à Quimper, 13 à Vannes, 15 à Nantes, 17 à Niort, 18 à Lille et à Lyon, 19 à Toulouse et à Paris, 20 à Troyes et 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 19 au Havre, 21 à Caen, 23 à Lille et à Amiens, 24 à Paris, 25 à Périgueux, 27 à Agen, 28 à Marseille, 30 à Montpellier, 33 à Lyon et 35 sur le pont d'Avignon. Et puis la pollution, c'est mauvais, les indices compris entre 4 et 6, 6 à Lyon, Montpellier, Toulon, Nîmes, Marseille, Nancy et Angers. Et les infos et le sport sur Skyrock. Effusion de joie de l'autre côté de la Manche. Comme d'habitude, il y a les heureux et les déçus. Le résultat n'est pas encore définitif, mais il est désormais irréversible. Le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne. Le oui au Brexit l'emporte après de 52% des voix. La fin historique d'une relation qui a duré depuis plusieurs décennies. Les places financières s'affolent depuis quelques heures, notamment à Shanghai. François Hollande s'exprimera à 9h ce matin et réunit un conseil interministériel. Le président de l'UE et la chancelière allemande Angela Merkel vont s'entretenir dans la journée pour éviter une réaction en chaîne des autres pays. Marine Le Pen salue une victoire de la liberté et appelle à un référendum en France. Une plainte déposée par la CFDT dans les prochaines heures. Le siège du syndicat a été vandalisé et plus particulièrement la façade du bâtiment hier à Paris. Les casseurs ont tagué aux lettres rouges CFDT comme c'est fini de trahir. Le syndicat qui se veut réformateur et vous le savez, favorable à la loi travail. En tout cas, la journée de mobilisation hier s'est plutôt bien passée. Entre 70 000 et 200 000 personnes qui se sont donné rendez-vous un peu partout en France. Pas d'incident à déclarer. Prochaine manif prévue mardi. Force ouvrière propose de rouvrir le dialogue avec Manuel Valls. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui sont désormais en opposition sur quasiment tous les sujets. Dernier point de discorde entre les deux hommes, les investitures pour les législatives de l'an prochain. Le maire de Bordeaux estime que les choix qui ne seront validés qu'en décembre ne sont pas rassembleurs. Sans le dire, il conteste les investitures de Patrick Balkany dans les Hauts-de-Seine et de Georges Tron dans l'Essonne. Le premier est mis en examen dans 4 affaires tandis que l'autre est accusé de viol et d'agression sexuelle sur d'ex-employés municipaux. Bon, ça se prépare du côté des Bleus, des Irlandais aussi, et puis on va parler de Laurent Blanc. Ouais, l'affiche est très attendue et l'erreur n'est pas permise. 8e de finale prévue dimanche à 15h du côté de Lyon entre la France et l'Irlande. Les Bleus qui arrivent dans la capitale des Gaules ce soir après un nouvel entraînement à Clairefontaine. Les Irlandais ont bien évidemment tous en tête, hein, la main de Thierry Henry. C'était en 2009, rappelez-vous, ça avait permis à la France de se qualifier pour la Coupe du Monde. Oui. Eh bien, du côté des joueurs irlandais, on se dit plein de confiance et ils n'ont pas digéré ça. Hein. Et ils pensent, ces joueurs, que l'équipe de France est loin d'être imbattable. Les hommes d'O'Neill entendent bien surfer sur le succès 1-0 décroché mercredi contre l'Italie. Et puis l'annonce est faite par l'équipe ce matin. Ça y est, le contrat est rompu entre Laurent Blanc et le Paris Saint-Germain. Le Sevenol n'est officiellement plus l'entraîneur du club de la capitale. Bonne négociation pour le coach dont le contrat court jusqu'en 2018. Il repart avec un joli chèque de 22 millions d'euros. Ah ben moi, c'est un tarif flash, je me fais virer tout de suite. Non mais ça va pas, Romano, c'est pas parce que c'est la dernière qu'il faut te faire virer. Puis de toute façon, tu toucheras pas 22 millions d'euros. T'auras 2,2 euros. Oui, oh, bah, c'est gentil. Ah, bah, franchement, je pars encore plus vite. Allez. Bon, on vous offre 1500 euros, nous, dans un instant sur Skyrock. Il est 8h07. La journée commence bien avec Difool et Romano. Le morning de Difool sur Skyrock. Et avec les conseils pas chers qui arrivent avec toi, Romano, pour ce matin, c'est les conseils pas chers piratage informatique. Ouais, piratage informatique. Vous avez une webcam, vous avez une caméra sur votre smartphone. Oui. Attention, danger. Attention, danger, on vous dit tout sur Skyrock. Avant 9h, on vous dit tout aussi sur les résultats du match de dimanche. On ne le dit à personne, mais on vous donnera les résultats officiellement. Entre 8h30 et 9h, il y a Marie du soir qui arrive avec sa chatte savante. Et oui, elle sait pronostiquer le foot. Et dans, on en aura la preuve avant 9h du matin. Et avant 9h, on lui fera donc pronostiquer le match contre l'Irlande. Allez les bleus, allez les bleus. Et pour cette dernière de la saison, déjà on voulait vous remercier d'avoir passé toute la saison avec nous sur Skyrock. Lâchez pas l'affaire, hein, parce qu'à partir de lundi, c'est Morning Best, les meilleurs moments et les pires moments du morning d'ailleurs, avec les meilleurs conseils pas chers. C'est Vincent. Tout le reste, ce sera Vincent qui vous réveillera. Ah bah, tous big les up à Vincent. Et Rémi aussi. Pas ton réveil, Vincent. Mais oui. Rémi, il est habitué. Ouais, bah, oublie pas Vincent aussi. Oublie pas ton réveil non plus, Rémi, là. Je vérifierai. T'inquiète. Et on va vous montrer qu'il s'est passé plein de choses et qu'il peut se passer plein de choses merveilleuses dans le morning. Écoutez bien. Vous allez vous rendre compte tout de suite que Skyrock est la radio de la paix, de la culture. Grâce à toi, Cédric, on peut le dire. Ah, hein, merci. Oui. Romano, on pense que t'es qu'un radin qui pense qu'à gratter de l'argent, même c'est pas vrai. Mais je sais être généreux. Bah oui, tu es aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main. Oui, t'avais appelé des gens qui avaient des problèmes avec leur nom, c'était magnifique. Des stars exceptionnelles et très très belles qu'on retrouve dans le réveil de stars. Et pas que, écoutez bien, voici le zap, un petit zap de ce qui peut se passer dans le morning tout de suite. Le zap du morning de toute l'année. C'est la brigade là, Jean-Louis, la brigade de police du quartier. Ah, c'est bien. Eh ben oui, c'est bien. Est-ce que vous aviez, parce qu'on est en direct sur notre radio, c'est la radio de la police. Ouais. Est-ce que vous aviez un petit message à passer aux forces de l'ordre ce matin? Eh ben, il reste couché. D'accord. Très bien. Dans la fable du corbeau et du renard, que tient le corbeau dans son bec? Un camembert, non? Un camembert. Il a la marque. Un camembert, mais de quelle marque? Président. Ah, ouais. Eh, Jeannot Rochon. Oui. Eh, hey, comment tu vas? Mais écoute, je vous comprends pas, vous êtes qui au juste? Vous cherchez qui au juste? Quel roncon? Roncon? Ah, c'est roncon. Ah, c'est encore pire que ronchon. Oh merde, toutes mes condoléances. Ce matin, on prend des risques, c'est Jean-Marie Le Pen qui réveille les familles de France. Yavoul. Je suis président d'honneur. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Joyeux Noël. Mais vous trouvez ça drôle? Tiens, c'est le solennel. Je vais juste appeler la gendarmerie, et puis comme ça, on sera tranquille. Ça fait rire toute la France. Ah, oui, vous avez raison. Allez, salut. À bon entendeur, salut. Jean-Paul, tu es au bord du gouffre, là. Non, mais... Est-ce que Jean-Paul, à un moment donné, tu peux faire une phrase, mais complète? Oui, c'est parce que Jean-Paul, il débarre toutes ses phrases, mais il n'arrive jamais au bout. Jean-Paul... Ah, pareil. D'ailleurs, on a eu du mal, je suis sûr, on l'avait gardé pendant 2 minutes. Hein. Oui, c'est ça, mais Jean-Paul n'a jamais fini une phrase. C'était Jean-Paul. Attention, c'est l'heure de gagner 1500 euros encore pour vous sur Skyrock. Le jeu des 1500 euros, c'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Et oui, pour gagner, bah, c'est facile, il faut répondre Skyrock quand on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée. J'ouvre l'enveloppe. Et... Skyrock. Bien joué, Romano, mais c'est pas toi qu'on va appeler. Je m'entraîne. Et ouais, pourtant, on va dans le 92, juste à côté de nos studios. Ouais. Ouais, parce que le matin, on est à Courbevoie. Ouais, Court Beach. Dans le building. Oui, building de Skyrock. Dans le 92 à Clamart. Et on appelle les Limousins, comme quoi tout peut arriver. Hein. On appelle des Limousins à Clamart. Baptiste Limousin qui a été tiré au sort. On va voir s'il répond Skyrock. S'il répond Skyrock, le chèque de 1500 euros est pour lui. Ouais. Et ouais, Carriole. Et... Carriole, c'est une supportrice, quoi, ça. Oui. Ouais. Allô. Oui. Madame Limousin. Je ne sais pas, c'est pourquoi. Je vous annonce que, en tout cas, votre numéro correspond à Madame Limousin. Donc, oui. Si vous ne savez plus comment vous appelez, donc ça doit être ça, je pense. Cédric, cache ton visage, tu fais pleurer l'enfant. Oh. Ouais, bonjour, Madame Limousin. C'est la radio au téléphone. Oui. On vous a tiré au sort et on a 1500 euros à vous offrir. Ah, désolé. Ah, mais c'est pourquoi, gratuit, hein. Pourquoi désolé? Ah, désolé. Ah, elle voulait écouter Section d'Assaut. Ah, peut-être, ouais. Elle voulait écouter Section d'Assaut, je suis désolé, moi aussi, mais là, c'est Florida qui est calé, là. Ah, ben, on met Florida. Bon, désolé pour la famille, comme elle le disait. Limousin, on garde le chèque et on fait un gros bisou à Charlotte qui a gagné tout à l'heure en Angers. Ouais. 1500 euros. Elle a répondu Skyrock, bien sûr. Le morning de Difool sur Skyrock. Les shows. Premier sur le cash. Open up the champagne. Knock on the door and the gotta stay in, in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Welcome to my duck off the crib, the spot, the pad. But my house is your house if you throwing it back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. It's my house, c'était Florida sur Skyrock. 8h14, c'est l'heure des conseils pas chers. On va parler des piratages informatiques, attention. Ouais, piratage informatique et attention. On vous prévient. Le monde du web, les geeks et les geekettes sont en émoi. Oh, les geekettes sont en émoi aussi. Sont en émoi. Mark Zuckerberg a fait une photo sur les réseaux sociaux là pour fêter Instagram. Et des jeux de Facebook. Ouais, et d'Instagram aussi du coup, parce qu'il l'avait racheté. Puis plein d'autres entreprises, mais on va pas faire la liste parce qu'on n'a pas le temps. Et en fait, il y a une photo qui a été prise et on voit que sur l'ordinateur, derrière, il a mis un petit bout de scotch sur la caméra. Pour cacher la caméra. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est l'affolement total. Même le président de Facebook n'est pas sûr des webcams. Donc, attention. Méfiance. Alors tout le monde est en train de mettre un ruban adhésif sur sa caméra. Ouais, c'est ça. Sur les téléphones aussi, personne n'y pense. Mais là, moi, je l'ai jamais fait. Peut-être moi, qu'on est en train de te regarder avec ton téléphone. Regarde les deux caméras. Je te regarde. Bah peut-être comment on m'a déjà vu en train de me caresser. Ouais. Bah, c'est peut-être pour ça que Mark Zuckerberg a mis un petit ruban adhésif. Alors il y a quand même une boîte qui s'est lancée dans le business. Ils s'emmerdent pas. C'est $5 le bout de scotch. Ah, va... hein ah, alors que... ah ouais, quand même, $5 le petit ruban alors, pour cacher la caméra. Soi-disant, c'est le bout de scotch qui est homologué pour bien sûr la webcam. Évidemment. Attends, évidemment. Alors ce matin, je vais amener tout un système de sécurité pour les familles. Je vais leur dire qu'on les a vus, il y a des vidéos qui tournent. C'est pas bon du tout. Je vais les faire un peu paranoïer. Oui. Et une fois qu'elles sont bien parano, bam! Coup derrière la tête, là je leur vends la totale. Le ruban et le kit complet anti-piratage. Ouais, c'est ça. Difool, tu peux faire le témoin qui a vu des vidéos. Oui, je les ai vues dans les vidéos. Ouais, très bien. Tu peux peut-être même prendre une voix masquée si tu le souhaites. Alors, une voix masquée. Comme ça. Ouais, non. Là, c'est une voix masquée, mais non. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais, un peu plus. Y'a pas plus viril comme voix, non. Non, c'était pas mal comme ça. Oui. Bon, mais sinon, tu as la numéro 6 qui est pas mal. J'ai la numéro 6. Oui, bonjour. Ah ouais. Sensuel. Ah ouais. Ça, ça me va mieux, ça. Ça, j'aime bien, ça. Allez, c'est parti. Oh, conseils pas chers. Ouais. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. À la voix. Voilà, tu m'excites. Ouais, non, ça va aller. On bouge pas. Voilà, hop. Voilà, c'est fini, Cédric. Je la pratique. Allez, on fait chez Pascal. Terminé. On va chez Pascal et on va lui vendre ce magnifique, magnifique kit. En particulier, le bout de scotch. Allô ? Oui, bonjour madame, c'est la femme à Pascal ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est l'opérateur internet à l'appareil. Oui. Vous avez internet à la maison, oui ? Oui. Oui, et écoutez, je vous appelle, il y a un petit problème parce que, a priori, votre webcam a été piratée. On n'a pas de webcam. Mais vous avez un ordinateur portable ? Oui. Ah ben, il y a une webcam dessus. Oui. Vous savez, il y a un petit trou devant. Oui. Oui, oui, non, mais oui, et d'accord. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui vous ont vu chez vous. Hein. Ah bon? Ah mais oui. Donc ce matin, il faudrait qu'on vienne sécuriser le matériel. Non, non, mais vous êtes d'où, vous? Ouais, bah moi, je suis d'Internet. Ouais, d'Internet. D'Internet de quoi? D'Internet de chez Orange, moi. Et donc, il faudrait que je vienne installer le matériel. C'est-à-dire... Non, non, non, vous n'installez rien si, du madame, tout. Parce je vais aller voir mon revendeur de matériel. Non, non, mais n'allez pas le voir, c'est un escroc. bon, je suis avec... Allez, non, non, je mais... suis pressée, au revoir, ah, mais madame, écoutez, on vous a vu à poil. Allô, bébé. Ah bah attends, on n'a pas le temps. C'est trop tard. Panique à bord. J'ai pas pu faire Barry White. Non. Non. Oui. Oh, oui, faisons un deuxième. Oui. Ah oui, Cédric. Ouais, j'ai rien réussi à lui refourguer, là. Non. Elle était pas facile. Non, mais elle va aller voir son... Pardon, hop là. Elle va aller voir son revendeur. Elle va aller faire chier son revendeur. Oui. Allô, Claude. Oui, bonjour, c'est Claude. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince de l'opérateur Internet. Je vous appelais car, a priori, d'après nos relevés informatiques, vous auriez été piraté. Ah. Oui, au niveau de la webcam. Vous savez, la petite caméra. Oui. Oui, et il y a des gens qui vous ont vu. Ah bon, bah, ils sont très forts parce que j'ai pas de webcam. Ah bah si, si, ils vous ont vu dans la webcam. Ils ont réussi à rentrer dans la webcam, j'ai un témoin là. Oui, oui, bonjour monsieur, je tiens à rester anonyme, mais je vous ai vu tout nu. Dans la webcam. Dans la webcam. Et d'ailleurs, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. C'est oui. Ce que vous m'avez dit. Ça m'a traumatisé. Vraiment, donc, du coup, monsieur, on va être obligé de vous mettre une amende pour. Ouais, bah, exhibitionnisme. Et exhibitionnisme visuel. Sexuel. Dégueulasse. Dégueulasse, on peut dire. Et pour ça, je vais vous mettre un bout de scotch sur vos caméras. Et je vous le fais vraiment à tarif préférentiel. Vous avez de la chance de vous tomber pendant les soldes. C'est seulement 100 euros. Pas cher. Le bout de scotch. Même le témoin est d'accord, ce n'est pas cher, n'est-ce pas? C'est vraiment pas cher, oui. Et certifié conforme, certifié par les opérateurs Internet, hein. Je peux passer dans 5-10 minutes? Oui, oui, pas de problème. Je vous colle l'amende de 150 euros pour mocheté visuel. Oui, oui, le monsieur est très vilain. Oui, et un bout de scotch pour 100 euros de plus. Allez, on est sympa, on arrondit à 300 euros. Ah, ça c'est royal. pardon, c'est royal. C'est royal. Oui. Bon, ben on vient. Eh oui. Eh ben, tout à l'heure, Claude. Très bien, Claude. Eh, prépare l'apéro, on a soif. Oui, oui. Je viens avec le témoin, hein. D'accord. Oui, oui, vous viendrez, monsieur le témoin. Bien sûr que il y a un apéro gratuit chez Claude. Si vous pouvez me recevoir tout nu, c'est super. Ouais, tu peux te mettre à poil, Claude? Pour qu'on arrive? Ça serait parfait. C'est gentil, Claude. Bisous. À tout à l'heure. Bonne soirée, ouais. À 8h20. Voilà. C'est pas mal. Toi aussi, t'es bien. Ah non, j'ai pas dit bonne soirée, j'ai dit bonne journée. Ah, bonne journée. Pardon, excuse-moi, j'ai les oreilles sales. En plus, il a Alzheimer. Bon, désolé pour le monsieur. Eh bien, à tout à l'heure, Claude. Au revoir, Claude. Il était sympa. Bisous, Claude. Merci, monsieur le témoin. De rien. Vraiment, grâce à toi, bon, tu n'auras rien, mais je te remercie. Pourquoi j'ai rien? Ah, bah, parce que c'est moi l'escroc. Ah oui. Ah oui. Oh, et ça, c'est Jay-Z. Jay-Z, Kanye West, Niggas in Paris. Et dans un instant, on joue ensemble. On se fait un petit croc de thunes ce matin. Allez, pour faire 300 euros. Ouais, vous voulez gagner 300 euros? Juste après Niggas in Paris, c'est sur Sky. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. And as we go, 0 for 82, when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even pro be here. Ball so hard, since we here, it's only right that we be fair. Psycho, I'm libo, to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan. Game six, ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. All the Mars that's losing time, hitting behind all these big rocks. Ball so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Ball so hard, let's get faded. Liberties for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick days. Ball so hard, bitch behave. Just might let you meet, yay. Shot towns, B-Rolls, moving the next BK. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. That shit cray, that shit cray, that shit cray. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. That shit cray, that shit cray, that shit cray. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your ball. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Ball so hard, that she cray, that she cray. Ain't it Jay? Ball so hard, what she order? What she order? Fish fillet. Ball so hard, yo whip so cold, whip so cold. This whole thing. Ball so hard.

Carrefour. Val, je reviens de chez Carrefour, il y a des soldes de folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte. Bah, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi? Bah, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah bah viens, on y retourne, à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textiles, cuisson et électroménager. Vos magasins sont ouverts dimanche. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. C'était le meilleur week-end de ma vie. On était parti faire du camping avec les enfants. On commence à monter la tente dans la chambre d'un super hôtel, une suite royale. Et là, les enfants, ils veulent aller au Poney Club. Arrivés là-bas, ils choisissent leur poney. Non, des chevaux sauvages. Enfin, non, des licornes. Superbe. Des licornes. T'es sûr de toi? Ah oui, oui, ils s'envolent dans le ciel et traversent les nuages. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15 euros toute l'année. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. C'est parti! Les soldes Chic et Sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe plissée. Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. 58 centimes la baguette chez Leclerc. Et attention, on est sur une vraie bonne baguette. Du 22 au 24 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la baguette de pain les trois meuniers de 250 grammes à 58 centimes, soit 2,32 euros le kilo. Inutile de résister, une baguette comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Moi, j'ai eu une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Ah, quel beau match, Lionel! Ah oui, Bodin tire et c'est là! L'alerte biscuit spécial frais! Je dois filer. Aujourd'hui et demain, les 20 chipolatas ou 20 merguez origine France sont à 3,49€ chez Netto. Quelle belle alerte biscuit, Lionel! Netto, le discounter qui fait la différence. Soit 1 kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. 8h29 sur Skyrock. Allez, on joue ensemble. Il y a 300 euros en jeu. C'est parti pour le Croc de Thune. Le morning de Difool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et ouais, jusqu'à 9h du matin. Et je vous annonce l'arrivée de la chatte Kawa, la chatte pronostiqueuse de ce matin, qui va nous donner le résultat du match de dimanche. Ouais, elle a intérêt. Hein. C'est la chatte de la Marie. Elle est où, la Marie? Dans la cuisine? Ouais, elle est en train de boire. Ouais, non, non, elle s'hydrate. Elle est déjà en train de picoler. Salut, la Marie. Salut, non, je suis à l'eau là, Romano. À l'eau de vie. Il est 8h30 quand même. Voilà, à l'eau de vie. Ah, ouais, après, tu sais que Cariole était très déçue. Cariole est très très déçue, elle pensait que t'allais amener l'apéro quand même. Bah oui, quand même. Ah bah il fallait me le dire, Cariole, je suis là, hein, tu me connais, hein. C'est l'heure. Et on a Karim du soir qui est là aussi, on a deux Karim dans le studio. Ouais, ouais, ouais. Eh ouais, salut les matins. Comme le dirait une amie à moi qui son prénom commence par M, nous sommes envahis par les Karim ce matin. Eh oui, ça. T'as fait quoi? T'as fait taxi ce matin, c'est ça? Non. Ouais, si, je suis allé chercher Marie, ouais, excuse-moi. C'est ça ma question. Ouais. Ça, ouais, je me dis, ils sont habitués à bosser. Ils sont habitués à bosser le soir, donc le cerveau n'est pas encore en marche tous les deux. Mais... Non, mais ce qui est bien, c'est que le soir non plus, donc ça ne change pas. Ah beaucoup. Oui, c'est vrai. Oh. Bon. Allez, contre, Marie, fais gaffe. Tu as des poils sur la poitrine. Là. Voilà. Non, mais c'est normal. J'ai une moquette. Voici la question que je vous ai posée il y a un instant. Il y a 26% des Françaises qui ont admis qu'elles préféraient faire un tour en voiture avec un certain joueur de l'équipe de France plutôt que de voir la France gagner. Mais ça va pas, les filles. On a Isabelle qui a trouvé la bonne réponse. Bonjour. Salut toute l'équipe. Salut Isa. Salut. Salut. Eh bien, tu as la bonne réponse. Eh bien, tu veux nous la donner. Qui c'est? C'est Giroud. Olivier Giroud. 26% des Françaises préfèrent faire un tour en voiture plutôt qu'on gagne. Il a avec quoi comme caisse, lui? Il doit avoir une grosse voiture. Ouais, je pense. Il doit en avoir plein, je pense. Hein. Ouais, peut-être. C'est peut-être parce qu'il a plein de grosses voitures. Oh, il est pas mal aussi, surtout. Ah bah tiens, il vient de passer. Il vient de passer. Ah bah Cariole, il t'a mis un vent, il s'est barré. Ah bah tiens, il vient de repasser, il s'est pas arrêté. À la foutre. Isabelle, tu vas jouer avec nous au Chronotune. Il y a 300 euros à gagner. Je te crédite officiellement de 300 euros. J'espère les garder. J'espère aussi. Le chrono thune. Tu sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Tu as 30 secondes pour répondre à cette question, Isabelle. Alors attention, la règle, Isabelle, est impitoyable, tu la connais sans doute. Impitoyable. Malheureusement, oui. Oui, chaque seconde, on enlève combien? 10 euros. Eh ben, ouais. Tu connais la règle. Isabelle, oui. Voici ma question. Bon, au pire, on va t'aider. Tu t'y connais en foot? Un petit peu. Surtout en Giroud, j'ai l'impression. Non, c'est pas du tout mon style, Giroud. C'est lequel que tu trouves le plus beau gosse? Evra et Matuidi. Evra Matuidi. Voilà. Alors, ça ne concerne ni Evra ni Matuidi, ça concerne tout l'Euro. Il faut me citer 5 équipes qui sont encore en lice pour les 8e de finale de l'Euro. Top chrono, Isabelle. C'est parti. Allemagne, France, Italie, oui. Espagne, oui. Irlande, Belgique. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ah, mais c'est même très bien. Eh, c'est bien, c'est bien. Pour une fille, c'est pas mal, non? Eh, pour une fille, c'est pas mal, mais les filles, vous êtes à fond derrière les Bleus. Je le sens, oui, je le sens. Oui, oui, oui. Et prête à coucher avec Giroud à 26% quand même. Hein. Eh. Bravo, Isa, tu as gagné combien alors? Eh ben, t'as gagné 250 euros, puisqu'il restait 25 secondes. Merci beaucoup, toute l'équipe. Eh ben. Eh, c'est un beaucoup. Des meilleurs scores de l'année. Hein. Oui, à beaucoup de thunes. On a eu de 270 aussi, les ouais. Ouais. Ouais, mais bon, 250 euros, non, c'est mais bien. T'es dans la moyenne haute. Bravo. Ouais. Bravo, ah, Isa. Super, merci beaucoup. Vraiment, vous assurez depuis quand que je vous écoute. Merci, merci. Eh bien, continuez. Il y a le Morning Best à partir de lundi avec Vincent à pas louper, hein, ouais. Entre 6h et 9h. Merci beaucoup, l'équipe. Pour se réveiller avec nous. Salut. Bisous, à toi, ciao, Isa. Ciao. Justin ciao. Timberlake arrive. Les pronostics de l'Euro aussi. Et là, il est 8h32. Il est déjà là. C'est Rémi pour le point sur l'actu. Avec le point sur la météo pour aujourd'hui. Ouais. Quel temps va-t-il faire? Eh bien, une journée estivale encore, hein, sur une majeure partie du pays. Les orages d'hier à l'ouest se déplacent aujourd'hui de la Loire jusqu'aux Ardennes. 4 départements, attention, en alerte orange. La Charente, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Gironde. Partout ailleurs, eh bien, c'est un ciel plutôt dégagé. Demain, samedi, votre week-end, alternance de nuages et d'éclaircies avec quelques gouttes de pluie de la Bretagne aux frontières du Nord et sur une large façade Est. Et puis dimanche, ça ira beaucoup mieux avec un temps estival, notamment sur le pourtour méditerranéen. Les températures ce matin comprises dans le Nord entre 14 et 20 degrés. Nous avons 18 du côté de Lille et 19 à Paris. Et puis dans le Sud entre 12 et 21 degrés. On a 18 à Lyon et 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Boulogne-sur-Mer, 20 à Lorient, 22 à Rouen et à Lille, 24 du côté de Bordeaux et de Paris, 26 à Auxerre, 28 à Marseille, 30 à Saint-Étienne, 31 à Bastia, 32 à Annecy et 33 à Lyon. Et puis côté pollution, c'est pas terrible, c'est même mauvais, hein. Les indices sont compris aujourd'hui entre 4 et 6, 6 à Lyon, Montpellier, Toulon, Nîmes, Marseille, Nancy et Angers. Et le point sur l'actu sur Skyrock, c'est parti, l'actu et le sport. Et n'oubliez pas Kawa, la chatte à Marie, qui fait le pronostic du match des Bleus. On reviendra d'ailleurs aux Bleus dans un instant. Bye bye United Kingdom, les résultats sont désormais définitifs. Le Royaume-Uni quitte l'Europe. Les électeurs ont voté en faveur du out avec 51,9% des voix. Cela fait plusieurs mois qu'on en parle. Et l'histoire de l'Europe s'est donc écrite aujourd'hui. Les places financières s'affolent dans le monde entier. La livre sterling, qui est la monnaie britannique, n'a jamais été aussi faible depuis plus de 30 ans. François Hollande s'exprimera à 9h ce matin et réunit un conseil interministériel. Le président de l'UE et la chancelière allemande Angela Merkel vont s'entretenir dans la journée pour éviter une réaction en chaîne des autres pays. Marine Le Pen salue une victoire de la liberté et appelle à un référendum en France. Manuel Valls et François Hollande qui auront les yeux rivés ce soir vers Pôle emploi. Les chiffres du chômage pour mai seront dévoilés à 18h. L'exécutif espère bien évidemment une nouvelle baisse. Ce sera peut-être le cas pour le troisième mois consécutif. Les deux boîtes noires de l'avion Égyptair envoyé en France. Les enregistreurs sont trop abîmés. Ce sont les experts français qui vont devoir en extraire les informations. L'appareil s'est crashé en mer il y a un mois avec 66 passagers et membres d'équipage. Il devait relier Paris au Caire. Un fait divers dramatique hier au Canet en Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Un père de famille est mort noyé alors qu'il tentait de sauver son fils. L'accident s'est produit en toute fin d'après-midi. L'enfant âgé de 12 ans a finalement été repêché par les secours. Il a été transporté à l'hôpital de Perpignan dans un état grave. Le père qui était en arrêt cardio-respiratoire n'a pas survécu. On fait le point sur le sport. L'Euro J-2 avant France-Irlande et H-12 avant la finale du top 14 et du rugby. Oui, l'affiche est très attendue. L'erreur n'est pas permise. Hein. Ça y est, match coup près. 8e de finale prévu dimanche à 15h à Lyon entre la France et l'Irlande. Les Bleus qui arrivent dans la capitale des Gaules ce soir après un nouvel entraînement à Clairefontaine. Les Irlandais ont bien évidemment en tête la main de Thierry Henry en 2009 qui avait permis à la France de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils sont donc en mode revanche et ils se disent plein de confiance. Ils pensent même, ces Irlandais, que cette équipe de France est loin d'être insurmontable. Les hommes de Martin O'Neill entendent bien surfer sur le succès 1-0 décroché mercredi contre l'Italie. Et puis du rugby avec un rendez-vous annuel très attendu pour les fans. On saura ce soir qui soulèvera le bouclier de Brennus version 2016, finale du top 14 entre le Racing 92 et Toulon. D'un côté, un club francilien qui a échoué en Coupe d'Europe et qui ne veut pas repartir les mains vides. De l'autre, un grand coach, Bernard Laporte, qui veut rafler le titre avant de quitter le RCT. Match à suivre dans l'antre du Barça au Camp Nou à 20h45. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h36 sur Skyrock. Attention, attention, c'est bientôt bientôt l'heure des pronostics. Amenez-moi la Marie et la Marie et sa chatte ce matin en exclu sur Skyrock. Attention. Eh oui. Aujourd'hui, c'est enfin vendredi. Enfin vendredi. Et c'est le morning de Diffoul. The morning show. En direct sur Skyrock. Et comme avant chaque match des Bleus, on vous offre nos pronostics, les pronostics pour l'Euro. Est-ce que les Bleus vont gagner? Pour l'instant, tout le monde a réussi sauf nos cafards. Ouais. Ouais. Ben, on a pour le moment, on a 66,66% de réussite. Merci c'est pour ça. Ces calculs mathématiques. Merci pour cette petite stat, Romano, là. Non, mais oui. Bon, on va essayer de dompter la chatte de Marie. Alors, putain, Marie, mais comment elle est grosse. Viens à côté de moi. Marie, la chatte, pas Marie. Vous pourrez dire que Marie a une grosse chatte ce matin. C'est sympa. Elle est mignonne. Bonjour, Kawa. Ah, bah là, tu la poses. Tu la poses. Mais attention, mais il y a plein de. C'est dangereux, Marie. Il y a mon café, mon coca. Elle est lourde. Oh là là. Bon, comment ça va, la Marie? Bah, ça va très bien. Écoute, tu es ravie d'être là. Tu vois la belle équipe du morning. Oh, ouais, bah, ouais. Tous beaux. J'ai vu plongeante sur le trou du cul de ta chatte. Oh, magnifique. Ouais, c'est chelou. Et oui, Marie. Et... Ah, c'est pour ça qu'elle a le trou du cul écarté un peu. Oh là là. Elle est open. Très bien. On découvre des choses. Donc, Marie, vous retrouvez tous les soirs avec nous dans la Radio Libre. Ce soir, évidemment, on sera là en direct. On a passé une super soirée hier soir, d'ailleurs, en parlant de la Radio Libre avec Jul. Il y a la vidéo qui tourne. On a fait des cascades avec Romano et Jul hier ouais, soir. Ouais, on a fait de la moto du. Combien 1500 cm cubes. Ouais, 50. Ouais, 3000. 49,9 au moins. Donc vous avez la vidéo que vous pouvez aller mater sur le diffoul.skyrock.com. Donc Marie, si tu es là ce matin, c'est pour nous amener ta chatte pronostiqueuse. Tu nous en as parlé l'autre jour. Ouais. Tu penses que c'est une des meilleures pronostiqueuses du monde. Ouais, je pense, ouais. La chatte à Marie est une des meilleures. Et Cariole, qui est toute bébête depuis que l'animal est arrivé, elle était contente qu'il y ait une bête. Ah oui, elle est mignonne comme tout. Très bien. Oh. Alors, vos pronostics pour l'Euro, dites-nous, quel est le pronostic que vous allez faire? On a fait ça en tout début d'émission, on va vous demander à vous qui vous êtes levé après. Pronostic, qui va gagner? Est-ce qu'on a des chances de gagner contre l'Irlande? Oui, hein. Bleu. Vous nous laissez ça sur le 41-759 sur l'appli Skyrock et dans un instant vous aurez les vrais pronostics. Avant 9h du matin, attention, attention. Qu'est-ce qu'on met comme son? Une star qui arrive, Justin Timberlake on va mettre. Ouh. Et une star qui sera là. Bonjour, vous l'avez reconnu? Ah bah c'est Didier. Oui, c'est pas Nicolas Sarkozy, même si au début on peut se dire. Bonjour. C'est Didier Deschamps. Didier Deschamps. Très bien. Ouais, ça va bien. Très eh bien, il est avec nous, Didier Deschamps. Tu avec sa magnifique voix, sa magnifique dentition. Oui, tu as de très belles dents, Didier. Non. Si. Ah bah c'est Didier. Hey, Didier. Je souris. Il sourit. Bon, ce sera le réveil de star avant 9h du matin, Didier Deschamps sur Skyrock, les pronostics de l'Euro et du son pour se réveiller. Et Rihanna a gagné. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Just dance, dance, dance. Justin Timberlake sur Skyrock avec Can't Stop the Feeling. Bon petit déjeuner à vous. C'est quoi ces gling gling que j'entends? Bah j'ai mis mon chapeau. Moi j'ai mis mes lunettes bleu blanc rouge. Magnifique et ta crête bleu blanc rouge. Oh, t'es splendide. C'est vrai. Romano m'a dit que ça m'allait très bien. Oh ben. Mais je te soupçonne de te foutre de ma gueule quand même. T'as du swag. Je suis swagué. Comme dirait Nabila, t'as trop de swag, swag, swag. Ah, très bon le croissant. Merci Karim. De rien, man. Karim le pauvre, il fait Ramadan. Il nous amène des croissants, il peut pas manger. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bon, bah, Marie, oui. Viens voir. Ouais, mais Rémi, doucement avec le bruit. Ouais, la chatte, elle est terrorisée. Oui, tu fais peur à la chatte. Attends, dis fou, appuie sur le bouton. Rémi va se faire agresser par la chatte, vous allez voir. Vas-y, parle. Voilà. Bon, alors. Nous sommes donc dans l'appart, le terrain de foot est prêt. Je vous présente Kawa, la chatte, elle ne parle pas. Non, par contre, elle regarde Rémi, elle te déteste. Hein. Non, elle aime bien. Depuis que t'as joué avec la corde de brume, attends, la chatte, elle te déteste. Non, non, elle te veut pas. Non, va pas la déconcentrer. Non, déconcentre-la pas, tu vas nous porter la poisse. Bon, alors, attends. Alors. Marie, tu es belle avec ton chapeau de cowboy. Merci, bleu, ouais, je pense rouge. Que là, j'ai une touche. Là, je vous explique Bon, je suis sur le terrain là. La configuration des pronostics. Donc, bon. Ça va être avec un chat, je pense qu'on va galérer parce que on a rien à foutre. Je sais pas si vous en avez eu un. Ça fait jamais ce que tu veux. Ah bah non, jamais. Attends, je fais la toucher. Tu touches à chat à Marie. Romano touche à chat. Ah ouais. C'est la première fois que tu la touches, Romano. T'encourage. Salut. Kawa, bonne chance Kawa. C'est mignon. Et là, elle lui faut un coup de patte, ouais. Elle le défigure. Kawa, give me five. Elle est aussi, give me five, ouais. Elle est aussi tranquille que Marie, la chatte. Alors, devant, on la met sur le terrain, notre terrain de foot, devant deux bols. Un bol irlandais, un bol français. Non, à gauche. Un bol irlandais, un bol français. Non, elle a pas mangé. Elle a pas mangé. Attendez, chut, dites rien. Elle mange dans la France. Et oui, elle est allée dans la France. Oui, elle est dans la France. Putain, non. Tu nous as fait une peur. Bien, mon chat. En fait, elle a rien bouffé du tout. Quoi. Non, mais elle a reniflé plus longtemps la France que l'Irlande. Ouais, voilà, elle est en train de se barrer là. Voilà. Ouais, mais c'est bon, moi c'est validé quand même. Alors Rémi, toi qui es journaliste. Oui, non, mais je valide. Validé. C'est validé. Par Rémi, mais Rémi, je crois qu'il fait peur à la chatte. Et c'est vrai, c'est faux. Rémi, s'approche, elle se barre. Rémi, tu fais peur à la chatte et t'aimes pas. Donc, le pronostic, si elle a bouffé un peu de la France. Hein? Non? Non, mais je l'ai vu, elle a léché la France. Elle a léché la France. Donc elle a gagné. Elle a léché. On va gagner. Annonce ce matin en exclu sur Skyrock une victoire des Bleus dimanche. Les Bleus qui gagnent contre l'Irlande. Ouais. Eh ben bravo, allez les Bleus. Qu'est-ce que ça donne vos pronostics? Attendez, j'enlève mes lunettes parce qu'on voit absolument rien avec ces lunettes. Rien du tout. Et moi j'ai vu des gens qui étaient dans le stade et qui mataient les matchs avec ces lunettes. Mais les lunettes bleu blanc rouge, ça avec les petits trous en fait. Oui, tu vois comme une mouche. Oui, c'est ah, les mouches, ça va comme ça. Ouais, ça va comme ça les mouches. Ah ouais, très bien. Ils ont vu de merde. Non. Ça dépend, quoi que ça peut être pratique, Cédric. Ouais, moi je vois bien. Bah t'es mieux comme lui, ça. Il voit bien. Lui. Ah ouais. T'es mieux quand je remets mes lunettes. Carriole, ah bah t'es mieux sans les lunettes. Toi. Ah ouais. Eh ouais. Marie aussi d'ailleurs. Cédric, je voulais te faire un compliment. T'as quand même une sacrée gueule de con avec ta perruque. Ah oui, la perruque te va très bien. Ça lui va bien cette coupe. Hein. Je suis équipé. Hein, franchement, mais t'as une gueule. Mais... Bon. Et merci pour les messages que vous nous avez envoyés pour les pronostics pour l'Euro. Bon, vous pensez en majorité à une victoire des Bleus. On verra ça dimanche après-midi. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Merci Kawa. Merci Kawa, merci ta chatte, Marie. Ouais. Hein? Elle est... J'ai la braguette ouverte. Marie, elle a toujours les yeux bien placés. C'est très bien que c'est plus pratique. Ouais, c'est sûr. Je savais que tu venais ce matin. Voilà. Allez. Bon, dans un instant, une minute, l'horoscope de l'amour, il arrive. Et puis, on a promis Didier Deschamps. Didier Deschamps sera là pour réveiller les familles de France. Collectif. Et ouais, c'est un collectif ce matin-là. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5€ à l'achat d'un menu XL. Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous attendez quoi là? La deuxième démarque? Vous savez, les soldes Conforama, c'est jusqu'à moins 70% dès maintenant. Par exemple, le matelas Confort Bedwin 140 cm est à 199,20€ au lieu de 489€. Soit une remise de moins 60%. Vous êtes toujours là? Conforama. Il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur conforama.fr. Allez, l'horoscope de l'amour. Ah, attention. L'horoscope après les pronostics de l'euro. Donc vous pouvez le dire à tout le monde, hein. On va gagner l'euro. Enfin, gagner le match des huitièmes de finale, c'est déjà pas mal. On va aller en quart. Mais ça, c'est peut-être un signe, le fait que je me sois trompé, que j'ai dit on va gagner l'euro, on va peut-être gagner l'euro. Ah, mais c'est sûr. Parce que j'ai tellement un pif pour les matchs de foot. Ça, ah ouais, un sacré, ouais. Que j'ai pronostiqué tous les matchs et sacré au bon résultat depuis. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, chaque fois, c'est moi qui me mets à quatre pattes et qui mange dans une gamelle pour pronostiquer. On fait... Ah non, fais pas ça, ça va trop m'exciter. Non, bon, ça va aller. On fait le point sur l'horoscope de ce vendredi avant de retrouver le réveil de star de Didier Deschamps. On va commencer par les lions et les gémeaux. Puissance amoureuse à zéro aujourd'hui. Vous vous prenez un petit peu trop la tête pour rien aujourd'hui. Relativisez un peu, libérez-vous et ça ira mieux. 1 sur 5, les balances et les sagittaires, vous êtes un petit peu trop mystérieux, mystérieuse. Ça risque de saouler les gens qui vous entourent plutôt que de les intriguer. Voilà, dites plutôt ce que vous ressentez, ça passera mieux. 2 sur 5, les vierges et les béliers, au travail ou en amour. C'est normal que j'ai quelqu'un à quatre pattes sous ma chaise. Ouais, ouais, c'est normal. Hein. Ah, c'est Romain des réseaux sociaux, très bien. Mais c'est sa position préférée. Donc, ils sont tous sous la table. Vas-y, fais-toi plaisir, j'en étais où dans mon horoscope? Les vierges et les béliers, travail en amour. J'en ai une négociation pour vous. Vous avez deux, hein. Il faudra vous battre pour obtenir ce que vous voulez, mais rien n'est impossible. 3 sur 5, les cancers et les taureaux, vos relations sentimentales vont évoluer, mais ces changements seront positifs. Belle journée donc. Meilleure journée encore pour les capricornes et les scorpions. Vous savez comment faire passer vos envies aux autres, ça tombe bien. Ils seront très réceptifs à ce que vous voulez. Eh bien, foncez. Et 5 sur 5, les poissons et les verseaux. C'est vous qui avez 5 aujourd'hui. Vous ne craignez rien, vous vous adaptez à toutes les situations. Vous êtes un peu les caméléons de l'amour. Bravo, bien joué. Oui, bravo, bravo. 8h48 et on retrouve Didier Deschamps. Et il arrive. Ah, c'est Didier, hein, oui. Le collectif. Et vos places pour Rihanna aussi à gagner. Ah, oh, j'arrive sur Skyrock. Ouais, et Rihanna aussi. Ah ouais. Avant 9h, et oui, SCH. Non, non. Allô maman, à 8h48. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, je serai partout, donc tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non, j'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirai que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, t'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. T'aurais pas, allons-nous-en. J'serai ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, j'reçois que des éloges, mais j'dois t'affranchir. J'parle à la faucheuse, la nuit j'me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là j'suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. T'aurais pas, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. T'aurais pas, allons-nous-en. Ouais maman, ça va. Je te rappelle après. Plein de travail. Pardon. Allô maman, c'était le son de SCH. Découvert sur Skyrock SCH. Avec lui, on avait fait un tour en Ferrari. Ouais. Hier, on a fait un tour en moto. Oui, hier. En alors, moto surpuissante. Oui, moto surpuissante, c'est bien ça. Des motos tunées, quoi, avec des moteurs d'avion. C'est ça, tu vois. Avec Jules. Il y a la vidéo que vous pouvez aller mater d'ailleurs. Ah, bah c'est impressionnant. Bon, on a plein d'invités. Jules sera là ce soir d'ailleurs, entre 21h, entre 20h et 21h, dans Planète Rap. Ne loupez pas le rendez-vous, il va vous faire des sons exclus que vous avez jamais entendus. Il a écrit des trucs spécialement pour Planète Rap. Et vous fera gagner l'album, je crois, des titres. D'après ce que j'ai compris. Hein. Ah, bah tiens, en parlant de cadeaux. J'écoute Planète Rap tous les soirs. Qu'est-ce Delphine 92. Coucou l'équipe. Coucou Delphine. TV reçu avant-hier, mon papa est aux anges, je lui ai donné un grand merci pour tout, bisous la famille. Et il y avait le message de Ben qui disait la même chose, qui était super content parce qu'il avait reçu sa télé aussi. Les écrans que vous gagnez, les Samsung arrivent très très vite. Ouais, oui, on a dit qu'on vous offre des Samsung pour l'euro. C'est pas pour l'euro dans 4 ans, hein. Non, non, c'est bon. C'est pour l'euro de cette année. Et bon. Après, vous pourrez vous en servir pour le reste. Hein. Comment? Non mais la télé, oui. On ne sert pas que pour l'euro. Ah oui, oui, on la récupère pas. Elle se te détruit pas le 10 juillet. T'imagines? C'est super ça. C'est le 10 juillet, c'est après le match. Plus télé. Non, non, elles arrivent très vite, les télés. On va se faire un petit zap du morning avant la fin de l'émission. On va vous offrir vos places pour Rihanna. C'est dans quelques instants, juste le temps d'accueillir quand même notre sélectionneur. Et le sélectionneur qui a dû écouter Skyrock ce matin, Didier Deschamps, pour connaître les résultats du match de dimanche, puisqu'on les a découverts avec Kawa, la chatte à Marie. J'ai entendu la chatte au Kawa. Et alors, qu'est-ce qu'on pense, Didier? Ah, j'adore les bonnes chattes. Très bien. C'est dégueulasse. Ce qu'il a, mais. J'aime bien les animaux. C'est bien, non, mais j'aime bien les gens qui aiment les animaux. Ouais, c'est bien. Didier Deschamps. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Didier Deschamps. Il est là, il est avec nous, il va réveiller les familles de France. Champion du monde. Didier Deschamps, évidemment, champion du monde. Bon, on appelle la famille de Loïc. On a réveillé Loïc ce matin, écoutez bien. Allez. C'est le réveil de star. Le réveil de star. Une star. Un appel. On écoute. Et on écoute Didier Deschamps. C'est parti. Et allez, bleu. Allez, Didier. Allô. Ah. Bonjour. Oui. Ça va bien. Bah qui est-ce? Je suis l'entraîneur. L'entraîneur? C'est moi qui entraîne les joueurs. Les joueurs de quoi? Je m'attendais pas à ce que la place de sélectionneur soit libre, donc... Oui. L'équipe de France a toujours été au-dessus de tout. Ah ouais, putain, mais t'es Didier Deschamps carrément, genre. Oui. T'as fumé combien de pétards, toi? 23. Ouais, non, mais il faut, de toute façon. Voilà, je pense que dans la vie, il y a des leaders et il y a des suiveurs. Ouais, et toi, tu fais partie des suiveurs, en fait. C'est non. Les autres qui roulent le joint pour toi. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Bon, sinon, pour en revenir au début. Champion du monde. Champion du monde. Tu crois, toi? Champion du monde, ouais. Et donc, là, tu fais quoi? Tu joues au baby-foot avec tes petits copains, alors, non? Vous êtes trop curieux. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que la fontaine, c'est top secret. Eh oui. Première question, les trois premières questions, elles sont gentilles. Et puis après la quatrième, on me la pose en blanc, en gris, en jaune, en vert. Et voilà. Bah c'est vrai, bon, enfin, si c'est vraiment Didier Deschamps, super, j'étais content. J'ai jamais refusé un autographe, une photo. Les gens, ils me dérangent pas. Ouais. Salut Didier. Ah, salut. Allez, Didier. À fond. Ouais, j'ai posé la question, mais il termine en disant salut Didier. Mais oui, il a bien eu Didier Deschamps en ligne, Loïc. Eh ouais, le vrai Didier Deschamps. Ah, en blanc, en gris, en jaune, on me pose des questions. En vert, voilà. En rouge, en bleu, blanc, en rouge. J'ai jamais refusé un autographe. Et on sait pourquoi il y a des problèmes de pelouse. Vous avez vu? Allez. Il la fume. Il l'a dit, Didier Deschamps. Et 23 juin, il se fait. Ouais, ouais. Pas le 3 juin, j'en ai perdu tout à mes temps. Allez Didier Deschamps, et bon entraînement aux Bleus aujourd'hui. Ouais, attention, allez les Bleus. Hein. Et bonne préparation pour le match de dimanche après-midi. Allez les Bleus, il est 8h55 sur Skyrock, c'est l'heure de lancer le top pour la roulette. La roulette avec encore cette semaine des places pour Rihanna. 400 places pour Rihanna à gagner. Et ouais, c'est sur Skyrock que ça se passe. Et c'est avec Skyrock qu'elle va tourner dans toute la France. Elle sera à Nice le 15 juillet, à Lyon le 19, le 23 juillet à Lille. Et tout ça dans les grands stades. Et elle termine par le Stade de France le 30 juillet. Concert Skyrock et inscription sur le 41 759. Ou sur l'appli, vous laissez bien vos numéros de téléphone, vos prénoms, vous y allez vite et vous gagnez. Casino.

make you a lot of money. No killers pull off in the end of baby. CTD pull off in the killer, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Look up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, he trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the fool, I'm doing the penny. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are pretty. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in the line. Twisted to lean the fan. Credit cards in the scams. Hitting the links in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, fan. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope your killers understand me. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Le morning de Morning Daddy Fool en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et oui, le dernier morning de la saison en direct et jusqu'à 9h. Et tant que ça s'arrête, la musique ne part même plus. Là. Pourquoi il n'y a plus de musique, Romano? Bah, je sais pas. Appuie sur le bouton. Bah, oui, marche plus. Appuie sur le bouton, voilà. Paf. Là, j'appuie. Voilà. Là, c'est mort. J'appuie. C'est dingue, moi, j'ai déjà appuyé sur un bouton, moi. Ah. Ah. Ça marche. Ah non, c'est bon, c'est reparti. Ah, c'est parti. Ah non, c'est pas reparti du tout. Voilà, si, très si, bien. Bon. Eh bien, il est temps que le studio vienne rendre l'âme. Il va tenir 10 minutes encore. Et ouais, pendant 10 minutes, on est avec vous. On a les places pour Rihanna à vous offrir. D'ailleurs, qui est avec nous au téléphone pour les places pour Rihanna? C'est Christelle qui va jouer. Et puis, le zap du morning. Et dans le zap du morning, ce matin, vous verrez que Skyrock aime rendre service, que les stars se sont bousculées cette année dans le morning, que Romano est prêt à tout pour soutirer de l'argent en famille. Ouais. Ça, il aime bien. Oui, j'adore. Et que Cédric est vraiment très cultivé et très patriote. Tout ça dans un instant après votre roulette, c'est parti. Et la roulette, c'est pour Christelle. 100 places de concert Rihanna a gagné sur Skyrock. Christelle de Dijon, salut Kiki. Oui, bonjour. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Oh nickel, super. Et, bah écoute, super, oui, c'est le week-end, il y a des places pour Rihanna à gagner, tout va bien. Et tu es en direct, ça veut dire que c'est toi qui vas faire tourner la roulette. C'est génial. Tu fais quoi dans la vie, Christelle? Je suis dans la ligne, je suis ouvrière viticole. Très bien. Oh, tu vas te faire des amis dans l'équipe. Ah. Allez, quand tu veux, tu dis stop, Christelle. Stop. Alors, Christelle, est-ce que tu vas aller voir Rihanna? Il y a plein de places à gagner sur Skyrock. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. Places pour toi. Oh là là. Deux places pour aller voir Rihanna. Bravo, Christelle. Génial, c'est super. Merci à tous. C'est gagné. Tu vas pouvoir t'éclater comme une folle au concert de Rihanna. Ah ouais. Concert au pluriel, concert Skyrock, Nice, Lyon, Lille, Paris. Et à gagner tout au long de la journée. Restez bien sur Sky toute cette journée. Plein de places à choper. On te fait un gros bisou, Christelle. Merci à tous. Merci. Passez une super journée. Passez un super week-end. Et ben merci à toi, Christelle. Merci. Pareil pour toi. On t'embrasse. Ciao. Et merci, attention, attention. Le zap du morning pour cette année 2015-2016. Cette saison. On dit même. C'est 2015, ça, ouais. C'est ça, ouais. Attention, il s'en est passé des choses dans le morning. La preuve, tout de suite, écoutez bien. Le zap du morning de toute l'année. Allô? Oui, c'est Alain ou la femme? Je t'emmerde. Ouais, bah écoute, t'as une voix de gonzesse aussi. Ah ouais. Ah ouais. Va t'acheter des couilles, man. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah bah attends, il y a Cariole qui dit une minute même pas, elle était là, histoire d'un peu. Elle fait « Ah, j'ai mal aux ovaires ouais. ». Et ce con Karim qui dit « Ouais, j'ai eu la même chose hier ». Vive la France. Cédric, tu chantes la Marseillaise. Allons enfants de la batterie, de la patrie, de la batterie. Le jour de gloire est allons arrivé. Enfants de la batterie. Monsieur le président de la République. Bonjour François Hollande. Je suis président de la République. Vous êtes vraiment le roi, hein? Mais président. Le roi des cons. Non. Et moi l'info en fait c'est un cambrioleur en fait qui s'est fait prendre donc en flagrant délit. En fait. Ouais. En fait. Oui. Oui et donc. Bah, en fait. Beaucoup en fait. Ah, ok. Et l'homme en fait expliquait qu'il était. Bonjour. Allô. Alain. Oui, j'entends mal là. Oui, c'est normal. Je suis le robot de votre opérateur téléphonique. Votre ligne risque d'être suspendue. Merci d'appuyer sur dièse pour éviter la suspension. Merci d'avoir appuyé sur dièse La non-suspension de votre ligne vous coûtera 200 euros. Cariole, toi qui es joueuse, parce que Cariole, tout ce qui est jeu d'argent, elle a tous les vices. Vous savez qu'elle joue, elle joue en cachette derrière, derrière le dos de Romano. Parfois, elle achète des trucs, elle me fait, tu lui dis pas. Bon, en même temps, je fais ce que je veux avec mon argent. C'est vrai. Hein, c'est vrai, même si tout le monde n'est pas d'accord. T'as qu'à me gratter les roubignoles à tous les coups, on gagne. Oh non, mais c'est quoi ça? Ah, une bonne expression de Bourgogne, celle-ci, on aime bien ça. Quelle est la hauteur du Mont Blanc? Oh, je sais plus de 2000 mètres, je sais pas. Non, mais t'es complètement c'est con. 4807 mètres, ah ouais, 8 mètres ou 9 mètres. Vas-y, enchaîne. Et c'est le mont le plus haut? Du monde. Du monde. Non, d'Europe. Non, mais vous êtes débile. Achetez-vous un livre de géographie. C'est l'Europe. C'est l'Everest, le plus haut du monde. Ben oui. Je suis le fantôme de ta maison. Ah bon, ben d'accord. Ah, mais ça va alors. Jackie, est-ce que tu pourrais monter un peu le chauffage? J'ai froid. N'importe quoi. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Sois sympa, le fantôme, il vient te mordre les pieds pendant que tu dors. C'est quand même le fantôme de... Ah non, Jackie a les pieds qui puent. Ah non, pardon. Alors le fantôme ne te vendra pas les pieds, va te... Tu fais quoi, Jackie? Ouais, mais je peux lui mettre une claque. Attention. Il risque de te foutre des... une petite bifle de... pendant que tu dors. Pas une bifle, ah, bif, carrément. Moi, je vais vous parler d'un Indien. Un Indien, très oui, bien. Il s'appelle... Ouais, il y a des bruitages. Ouais. T'as senti le moment de solitude aussi ou pas? Ah ouais. Bonjour, Charlotte. Bonjour. C'est la radio, Charlotte, n'aie pas peur. On est en direct à la radio ce matin. On t'a tiré au sort, Charlotte, et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros. Ah, trop bien. Ah, ça, oui, trop bien, ouais. Comprenez pourquoi on aime bien se lever le matin, nous, hein, quand on entend ça. Charlotte, quelle est ta radio préférée? Si tu as la bonne réponse, tu repars avec 1500 euros. C'est Skyrock. Eh ben, c'est gagné. Bravo, Charlotte. Bravo. 1500 euros pour toi, Charlotte. Trop bien, c'est cool. Eh oui, Charlotte qui repart avec son chèque. 1500 euros pour Charlotte. Bravo, Charlotte. Non, décidément, championne. Ça ne veut plus marcher. Mais si, tout marche bien, écoute bien, Romano. Alors, pour cette matinée... Nous sommes en direct et c'est le moment de vous souhaiter un bel été. Profitez bien. Alors nous, on reste. Hein. Tous les soirs, on sera là entre 21h et minuit. D'ailleurs, on va commencer par ce soir. Ouais, ce soir, la semaine prochaine aussi. Hein. Exactement. On suivra l'Euro jusqu'au bout, jusqu'à notre victoire en finale. Et d'ailleurs, merci Marie d'être passée ce matin. Et d'avoir, avec plaisir. Et d'avoir fait venir ta chatte pronostiqueuse. Ouais, elle est contente là. Oui, elle est en photo sur les réseaux, on m'a dit là. Ouais. On la voit. Oui, on la voit. Ouais. Marie, elle est dans les câbles électriques. Mais elle va bien, elle s'éclate. Hein. Je pense qu'elle est en train de s'amuser, avec ses grilles, tout ça. C'est super. Bon, ben, Marie, oui, on te retrouve ce soir. Bien sûr. Bon, Karim, bonnes vacances. Bah ouais, merci, bonnes vacances à tous. Pareil, Cariole, bonnes vacances. Bah ouais, merci, pareil. Même chose, Cédric, toi tu restes, Rémi. Ah bah je suis là, ouais. Tu seras là la semaine prochaine. Ouais, avec ouais, on est là. Et puis on remercie toute l'équipe qui a bossé derrière. Merci deux. Eh oui, deux de tension. Deux de tension. Si, deux. Est-ce que tu peux nous faire écouter ta belle voix? Ah oui, voilà ma belle voix. Ah! Voilà ma belle voix. Non. Elle l'attendait, hein. Ouais, il s'était préparé quand il même. Il était au taquet. Ah, depuis l'année dernière, j'attends. Exactement. Oui. De mais tension. Pourquoi tu parles en accéléré en fait de quand tu parles. Non, il parle vite. Non, là. Je parle normalement. De tension et intervient une fois par an sur Skyrock. C'est ça. Bah, c'était l'intervention de l'année. C'était mon moment. Merci deux. Merci bravo, Rico. Bravo deux. Merci Maël. Merci Raph. Merci Maxime. Merci Samy. Ceux qui ont bossé sur l'émission et tous les autres aussi. Hein. Bah, passez un bon été. Profitez bien. Lundi, c'est Morning Best, le best du morning avec Vincent dès lundi matin à 6h. Et Rémi qui sera là. Pour les infos, je vous écouterai, moi. Tiens. Ah, ça voilà. Ouais, moi aussi, je vais vérifier si vous êtes à l'heure et on va faire le contrôle. Bon, ce soir, on vient entre 21h et minuit. Bon, on a une belle victoire de l'équipe de France qui est pronostiquée pour dimanche. En gros, un beau week-end pour tout le monde. Profitez bien et le week-end commence bien puisque Fredo est dans la radio ce matin. Bien sûr. Et oui. Hey, Fredo, tu nous as vu avec Jules en train de faire de la moto surpuissante. Magnifique, magnifique. Avec un réacteur d'avion. En Y. Ah ouais, en I. Qui c'est que tu as trouvé le plus courageux, Fred? Ça se pose pas la question. À ton avis, dit Foul. Jules l'a dit hier, d'ailleurs. Oui. C'est moi. C'est toi. Bah oui, bah oui, c'est moi, c'est personne toi. Personne n'est qui le dit, quoi. Ah, moi, j'ai failli, avec Jules, j'ai failli finir en Y, mais dans le trottoir. Bon, en tout cas, merci pour cette belle année et passez de bonnes vacances. Profitez bien. Ce soir, Radio Libre, pendant les vacances, Radio Libre aussi. Et donc, Fredo, tout de suite pour plein de choses et plein de sons à écouter et des extraits de l'album de Jules aussi. Hein. Allez, c'est parti, coup d'envoi. Bonnes vacances à vous, enfin pour une partie. Oui, ouais, ouais, ouais, merci. Et sinon, ce soir. Bah non, reviens ce soir, Fredo. Hein. Bon, ça roule. On lâche pas l'affaire, comme on dit. Parfait. Salut Fred. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. À toutes. Oui.

They used to hide from your lie to you. But y'all know we were made for each other. So I find you and hold you down. Miss Sing say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, 5-star. Sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood. Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy? Jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Hold on, they don't love you like I love you. Get my swag on. I look in the mirror, say what's up. What's up, what's up, what's up. I hop up out my bed and get my swag on. I look in the mirror, say what's up. What's up, what's up, what's up. C'est Skyrock avec Beyoncé. Hold up à l'instant sur Skyrock. Rap R&B en non-stop. Dans quelques minutes, Rihanna. Tiens, écoutez, Rihanna, il y aura des places à choper avant midi pour sa tournée avec Skyrock. 4 dates, 4 stades et les places à choper dans quelques minutes. Bah, une petite heure, pour être plus précis. Et le son d'Icon, c'est ce qu'on écoute maintenant. Sorry, blame it on me sur Skyrock. This life goes on. I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for. I'm sorry for the times that I left you home. I was on the road and you were alone. I'm sorry for the times that I had to go. I'm sorry for the fact that I did not know that you were sitting home just wishing we could go back to when it was just you and me. I'm sorry for the times I would neglect. For the times I disrespect, I'm sorry for the wrong things that I've done. I'm sorry I'm not always there for my sons. I'm sorry for the fact that I'm not aware that you can't sleep at night when I am not there. Because I'm in the streets like every day. I'm sorry for the things that I did not say. Like how you are the best thing in my world and how I'm so proud to call you.

Skyrock. Skyrock, premier sur le rap. Soprano avec Cosmo à l'instant sur Skyrock. Bougez pas, le retour du son, ce sera dans quelques minutes. Drake et son morceau One Dance à écouter. Puis d'ici une petite heure maintenant, on fera tourner la roulette. Coup d'envoi des inscriptions sur Skyrock à partir de 10h pour faire tourner la roulette et repartir avec des places pour aller voir Rihanna. Le son de Skyrock, je vous le disais, Drake dans quelques minutes, ce sera One Dance. One more time before I go. Higher powers taking a hold. Nouveau son de Black M aussi qui arrive. La nuit porte conseil sur Skyrock juste après.